soi. N'aie pas peur, d'accord. Mais c'est pour ça, puisque depuis que tu es ici, depuis 2 jours, tu causes avec cette chérie, même si maintenant, tu commences à jouer. Il faut que Mélissa soit consciente. Mélissa, parle-moi, parle-nous. Et quand tu vas parler au fur et à mesure, tu, quand on était à la cuisine, tu as dit que ça fait 10 ans que tu subis cette pression. Presque 10 ans. Presque 10 ans. Et tu n'as pas de copine? Non. J'avais une copine, mais les petits trucs des filles ont commencé à déranger. J'ai coupé les ponts avec elle. Donc, tu parles, tu te moi que tu regardes, d'accord? Donc, commençons au commencement. Qu'est-ce qui te dérange? Quelles sont tes choses? Il est question de ton père, de tes parents. Ton père est vivant. Oui. Ta maman est où? Non, ma maman est décédée déjà. Quand c'est maman? En 2005. 2005? Oui. En 2005 jusqu'à maintenant, ça va faire presque 11 ans. 11 ans. Mmh. 11 ans. Vas-y alors. Bon, avec mon papa, au début ça allait. Quand ta maman est décédée? Non, avant que ma maman est décédée, quand ma maman vivait encore. Oui. C'est quand ma maman est morte que les problèmes ont commencé. Le jour du deuil de ma mère, parce qu'ils bon, n'étaient plus ensemble, ils ne se sont même pas mariés. Donc, il peut dire qu'il était d'abord marié avec une première femme et il a connu ma maman, ils ont juste fait un enfant. Et avec l'autre femme qui a été connue avant ta maman, est-ce qu'elle avait aussi des enfants? Oui, ils ont eu 3 garçons. Donc, et vous vous connaissez en tant que frère? Oui, on se connaît en tant que frère. Mais elles ne sont plus. Donc, quand ma maman est morte, oui. Le jour du deuil de la maman qu'on a enterré la maman, oui. Il est venu au deuil. Oui. On n'avait même pas encore enterré la maman, il m'a appelé. Parce qu'il n'a pas vu le corps de ma mère. Pourquoi? Je ne sais pas. Il était au deuil quand même. Il était là. La maman est morte dessus de quoi? Bon. On a dit que non, c'était le VIH. Oui. Donc, je ne sais pas. Faut dire, ouais, je ne sais pas. Finalement, avant de mourir, elle était. Elle souffrait. Elle a beaucoup souffert de maladie. Oui. Elle a vraiment souffert. À un moment, elle parlait, elle disait qu'on demande à mon père de la laisser partir se reposer. Bon, le jour qu'elle est morte, il est arrivé parce que lui ne venait jamais où elle était. Maman était malade, comme elle était de Mété. Elle est partie chez sa mère. À Mété. Oui. C'est dans la province de dans la région du centre. Oui, du centre. Vers chez Paul Biya là-bas. Paul Biya. C'est un grand-père. Bon, le jour du deuil, le jour que la maman est morte, il est venu. Bon, c'est vrai que ça faisait depuis, on ne se voyait pas. Il envoyait juste l'argent pour moi et la maman prenait. Le papa, lui, travaille quoi? Il était expert comptable et est aussi le président de la FECA Cyclisme. FECA Cyclisme. Donc la Fédération Camerounaise du Cyclisme. Oui. Après, présentement, même il est en prison. Ah, il est en prison maintenant. On l'a arrêté. À cause des malversations. Oui, les trucs de l'opinion. Les trucs de l'opinion. On l'a arrêté, je sais pas. Bon, c'est cela une discrétion de demander son nom ou bien tu le suis. Non, non, non. Vas-y, parle alors. Ok. Ça veut dire qu'il doit être connu des Camerounais bien même. Oui. On le connaît. Bon, il est arrivé au deuil. Il m'a appelé. Parce qu'il était avec 2 de ses amis. En ce temps-là, il est quoi? Quand ta maman meurt, il travaille quoi? Il est quoi? Son travail même qu'il a appris, il était expert comptable. Oui, vous voulez dire qu'il avait déjà le poste de FECA cycliste. Oui, il avait déjà, c'est le 2 jours après qu'on devait le nommer ministre des Sports. Des Sports, oui. Oui. À la place d'Ismaël. Je ne connais pas. Oui. Il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit non, ta mère est morte, tu sais que c'est elle qui. Parce que normalement, avant de mourir, elle a dit à ma. Donc, ma attends, tu as dit que ça fait comment? Et celui qui a mis le nom Mélissa, parce que ça sonne. Non, c'est ma mère. Okay. C'est ma mère. C'est ma mère qui m'a donné le nom. Ma maman a dit à ma grand-mère que si elle meurt, qu'on n'accepte jamais que j'aille habiter chez mon père. Entre temps, tu habites où? Enfin, bon, permets-moi de poser une question, d'accord? Vous êtes combien à aider ta maman? Il y a de combien ma maman, je suis unique. Unique, donc c'est-à-dire que lui et a marié ta maman, enfin, et a rencontré ta maman, c'est seulement toi qui l'as eu. Oui. Et en attendant, ta maman, il n'a pas épousé officiellement ta maman. Non. Et tu as son unique fille avec sa maman, avec ta maman. Oui. Mais ta maman aussi, par la suite, a les enfants avec quelqu'un. Elle n'a pas. Donc tu es unique à ta mère. Oui. Et donc ta maman dit, alors qu'elle est agonisante, elle dit à sa maman aussi, sa maman, que si elle décède, que tu ne peux pas habiter là-bas. Oui. On lui a posé quelque chose. Pourquoi la grande ta maman dit ça? Apparemment, on lui a proposé la question. Donc personne ne sait pourquoi elle a dit ça. Oui, personne ne sait. Il n'y a pas de confidence par rapport à ta maman que ta maman a dit sur. Bon, ma grand-mère me racontait souvent que ma maman leur a dit un jour que il faisait les sacrifices pour avoir l'argent qu'il avait. Donc, c'est qui dit ça? C'est la grand-mère qui dit? Ma mère, oui, c'est ma grand-mère. Bon, c'est ma mère qui raconte ça à ma grand-mère. Oui. Et ma grand-mère m'a raconté. Ok, et ta grand-mère, elle est encore vivante? Oui, elle est vivante. Et elle t'a relaté cela? Oui. Et elle t'a dit également l'interdiction que ta maman avait dit? Oui, elle m'a dit. Et comme dans la famille de ma mère, donc nous sommes une famille pauvre, personne n'a vraiment le moyen, chacun a sa petite famille. Tout le monde s'occupe de ses enfants. Ce n'est pas que tu vas regarder l'enfant d'autrui. Oui. Et quand ma maman était morte, je voulais continuer l'école. Voilà. Quand ta maman meurt, donc, c'est en 2005. Oui. Là, tu as quel âge? 16 ans. 16 ans en 2016. Et avant cela, quand tu étais petite, à ta maman, ton père, tu le rencontrais? Rarement. Attends. Et ta maman et ton papa, comment ils se rencontraient? Ou bien, après les avoir rencontrés, ta maman, il s'est séparé? Ou bien, il a rejeté ta maman? C'est comment? Ma maman a voyagé. Pour où? Pour le Gabon. Ok, ta maman est partie au Gabon. Et toi, tu avec toi? Non, non. Elle m'a laissé avec ma grand-mère et ma tante, donc sa grande soeur. Donc elle a envoyé l'argent pour moi étant là. Mais parfois, comme je demandais à ma grand-mère que ma maman, c'est mon papa, c'est qui, elle me donnait le don. Parfois, je fuyais sur la maison. Ok. Donc ça veut dire que dans ton enfance, tu grandis entre les mains de ta tante et de tes parents, de ta grand-maman. Et là, tu as soif de connaître aussi ton père. Ta maman ne t'a jamais dit cela. Ne m'a jamais dit. Et elle est au Gabon, elle travaille, elle est allée chercher et envoyer l'argent pour pouvoir nourrir la famille. Oui. En tout cas, tu ne connais pas ton père. Oui. Ok, allons-y. Bon, je fuyais parfois à la maison pour partir parce que mon père a une famille en Balmayo. Oui. Un jour, j'ai fui. On m'a tapé à la maison, donc chez ma grand-mère. On a tapé sur moi, j'ai fui. Je suis allée dans la famille de mon père. En Balmayo. Oui, en Balmayo. Et alors, comment tu as fait pour savoir que c'est la famille de ton père? Parce que ma grand-mère disait toujours la famille, mais si on me disait que j'étais de la famille. Oui, et là, je ne les connaissais pas. Mais on a dit qu'elle t'a donné le lieu où la famille est. Oui. Sans préciser qui est ton père. On les connaissait. Okay. On connaissait la famille. Donc un jour, on a tapé chez moi, j'ai fui, j'ai demandé. Tu as dit qu'il m'avait cherché mon père. Oui, la famille. La famille. Là, tu as 16 ans. Non, là, je n'avais pas 16 ans. J'avais 14 ans. 14 ans. Quand j'ai fui la maison. Oui. Quand j'ai fui la maison, je suis partie, j'ai vu la grande soeur de mon père. C'est elle qui appelle donc mon père pour dire à mon père qu'il y a ta fille ici, comme ça, comme ça. Bon, tu es allé à Balmayo. Oui. Balmayo, c'est à la sortie de Yaoundé pour aller vers le sud. Oui. Et là, tu dis, quand tu arrives là-bas, tu essaies de te renseigner en Balmayo. Oui. Non, parce que j'ai grandi en Balmayo. Ok, tu connais la ville de Balmayo. Oui, mais tu ne savais pas que tu es Non, je ne savais pas. Ok. Donc, ça dit, tu pouvais te retrouver facilement. Oui. J'ai grandi, c'est comme ça. Donc, quand j'arrive chez la grande soeur de mon père, elle appelle mon père. Pour dire à mon père que ta fille que tu cherchais. Mais en temps, tu connaissais le grand frère de ton père sans connaître que c'est le grand frère de ton père? Non, je ne connaissais pas. Comment tu as fait pour atterrir chez elle? Parce que je demandais. Oh, ok. Donc peut-être je vois, parce que je connaissais le quartier, quand même on me disait que c'était au quartier Newton. Si tu peut-être tu veux connaître ta famille, tu demandes seulement la famille. Oui, oui, oui. Donc c'est comme ça, donc parce qu'on habitait au dépôt. Donc je peux dire ici pour arriver à Yassau Carrefour. Donc parce que 1 km de lui. Oui, je suis arrivée, j'ai commencé à demander s'il vous plaît, vous connaissez la famille? Il dit oui. Tu vois le grand camp là, tu entres là-bas, tu demandes, c'est la famille. C'est donc quand je suis arrivée, quand ma tante m'a vu, me dit, ah, tu ressembles à ton père. Comme ça qu'elle appelle donc mon père. Mon père dit, elle est où? Il dit, la voici, dit, ok, j'envoie le chauffeur. Ah, la cherche. Lui, il est aussi en Balmayo? Non, lui, je vais à Yaoundé. À Yaoundé, ok. Et en Balmayo, c'est tout quoi? La maison où il y a sa femme? Non, en Balmayo, c'est la famille. La grande maternelle. La famille, donc comme sa maman. Oui. Il envoie dans son chauffeur, on vient me prendre. Quand on me prend... Bon, à ce moment-là, il travaille quoi? Il est comptable, comme tu dis? Il est expert comptable. Expert comptable, oui. Dans une société ou bien... Bon, non, il avait son propre son cabinet. Ok. C'est comme ça qu'on vient me chercher. Il demande à sa grande soeur de ne pas dire qu'il est venu me prendre. Oui. Bon, et comme on avait tapé sur moi, j'étais fâchée. Mm-hmm. Moi aussi, je suis partie. J'ai fait presque un an. Oui. Je n'arrivais plus chez ma grand-mère. On me cherchait partout. Donc, finalement, tu restais à la fête à la soeur de mes de ton père. Lui-même. Et là, tu l'as rencontré. Oui. Non, avant d'avancer tout sur toutes les autres choses, quelle était la réaction, ta réaction interne, c'est-à-dire dans ton cœur, aux premières rencontres? J'étais contente de voir mon père. Et lui, quelle était ta réaction? Bon, je peux dire que lui aussi, il était content de voir sa fille. Mm-hmm. Comme tu es brune là, si tu es brune, tu ressembles à qui? Ma mère. Donc ta maman était brune. Mm-hmm. Ok. Lui, il est noir. Bien noir. Bien noir même. Ok, donc ça veut dire que tu habites chez ton père. Oui. Et là où tu habites, donc il te ramène, le chauffeur te ramène à Yaoundé. Oui, tu rencontres ton père là-bas. Je suis venu à Yaoundé. Et là-bas, il y a cette première femme. Non, la première femme était déjà partie. Partie pourquoi? Il a divorcé de la fille. Oui, ils ont eu les problèmes, elle est partie. Et à la maison, il est marié. Seul. Non, ah, il y avait déjà une deuxième femme. Oui, celle-là aussi est l'enfant. Oui, elle a eu. Mais comment il t'a accueilli? Mal. Donc ça dit que tu as vécu encore le calvaire. Oui. On t'a tapé dans chez ta maman. Oui. Tu es là-bas, tu as subi. Mais là-bas au moins, ça ne frappait pas sur moi. Mm-hmm. Donc, c'était la torture quand, morale. Oui, quand il n'est pas là, mm-hmm. elle me torture. Mm-hmm. Et quand il rentre, non, Mélissa, ceci. Donc j'étais la prioritaire. J'ai passé avant ses enfants. Quand, et ses enfants sont les petits-enfants par rapport à toi, puisque tu dis que tu as 14 ans. Oui, parce que là, sa fille, la première fille, elle avait 8 ans. Oui. Donc au total, vous combien que tu connais à ton père, avec toutes les femmes, il y a combien d'enfants 7. En plus 7. Donc la première épouse, combien? 3. La deuxième? 3. Et toi maintenant? 7. Et c'est toi qui es la première de tous les enfants? Hein? Et la première née les filles. La première née les filles. Donc, oui. Et la première femme qui est partie a certainement les premiers enfants? Les garçons, 3 garçons. 3 garçons, ok. Mm-hmm. Et ils sont aussi au Cameroun? Non, ils sont pas ici, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis. Mm-hmm. Donc vous êtes ici, donc 4? Oui. Les filles. Les filles. Ok, allons-y. Et donc, tu es dans cette maison, ça se passe bien avec ton père. Quand ton père rentre. Oui, ça se passait bien. Entre temps, chez vous, ta maman n'a pas voulu chercher à savoir où tu te trouves. Ma maman a demandé à ma grand-mère qu'est-ce qui s'est passé. On a dit que non, Mélisse est partie, on ne sait pas où elle est partie. On l'a même cherché dans la famille de son père. On dit que non, on ne sait pas, elle n'est pas passée. Et ils ont caché là-bas pour dire que c'est. Ils ont caché. Mm-hmm. Bon, un jour, donc, il a voyagé. Oui. Mon père a voyagé. Je suis restée avec sa femme. Mm-hmm. C'est comme ça donc que sa femme aussi, les problèmes restent. Oh, il y a eu le problème, elle m'a mis dehors. Mm-hmm. C'est comme ça que je repars en Balmayo. Tu es en Balmayo, chez la personne? Non, chez ma grand-mère. Mm-hmm. Je retourne, je suis dans la famille de ma mère. Là, on t'a d'abord tapé là? Oui. Ok. Mm-hmm. Quand j'arrive là-bas, la grand-mère me demande que c'est comment on t'a déjà cherché partout. Tu étais. Et ça, c'est après combien de temps? C'est-à-dire que tu as fait combien de temps avec ton père avant qu'il y ait ce problème-là? J'ai fait presque un an là-bas. Un an. Oui. Ah, mais avant de quitter là, quand tu avais fugué, c'est ça qu'on dit, chérie? Mm-hmm. Quand tu avais fugué là, tu fréquentais. Hein? Oui. Et quand tu as quitté, chez ton père, tu continues à fréquenter. Oui. On t'a inscrit quelque part. Là, tu as encore fui même avec l'école là-dessus. Donc, tu passes pas à fuir. Et je remarque que tu as tatoué le papillon sur toi. Donc, tu es fui partout comme le papillon. C'est ça, c'est le papillon, c'est l'esprit papillon que tu as tête. Bon, alors, à l'avancement. Donc, maintenant tu es arrivé chez ta grand-mère. Oui. On t'accueille encore. Oui, on m'accueille. C'est comment bon, j'ai raconté. Est-ce que là, ta maman n'est pas rentrée du Gabon? Non, ma maman n'est pas rentrée. Mm-hmm. J'ai raconté une fausse histoire. Mm-hmm. Oui. Ah, tu n'as pas voulu dire où tu étais? Oui, j'ai dit que j'étais chez mon père. Oui. Mais je n'ai pas donné la vraie version de ce que j'ai fait. Uh-huh. Pour revenir? Oui. Uh-huh. Ok. Bon, on me demandait qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai dit non, j'étais déjà juste fatiguée de rester là-bas. Et si vous venez vous voir? Revenir chez ma grand-mère. Mon cœur s'est calmé. Comme vous m'avez énervé, mon cœur s'est calmé maintenant. Oui. Mélissa. Déjà, Mélissa veut dire. Mélissa, c'est un nom, c'est français ou bien c'est pas de votre patois? Non, je sais pas. Mélissa, je cherche à connaître. Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, peut-être Mélissa veut dire papillon aussi. C'est un prénom français. Hein? Ok, avançons. Bon, c'est comme ça donc qu'on appelle ma mère pour dire que Mélissa est là. Mm-hmm. Ma mère a appelé. Elle a posé avec moi, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit que non, on a tapé chez moi, j'étais fâchée, je suis partie, j'étais chez mon père. Bon, j'ai fatigué de rester là-bas, je suis revenue ici. Mm-hmm. Elle me dit, tu es encore un enfant. Mm-hmm. Je ne peux pas te dire ce que ton père fait et ce qu'il ne fait pas. Mm-hmm. Je ne t'ai pas montré ton père parce que je n'étais pas, je suis pas méchant. Mm-hmm. C'est parce que je voulais ton bien. Mm-hmm. C'est ton bien que je veux. Donc, si tu es sage, mm-hmm. ne remets plus les pieds là-bas. J'ai dit à ma mère que oui, j'ai suivi, je vais plus repartir. Mm-hmm. Bon. C'est comme ça donc que ma grand-mère, comme mon grand-père travaillait en Balmayo, lui part donc en regret. Mm-hmm. Et elle dit donc à ma tante, donc la grande-sœur de ma mère, que bon, comme moi je vais aller au village, mm-hmm. viens chercher Mélissa, tu montes avec elle à Yaoundé, tu restes avec elle. ma mère dit qu'il n'y a pas de problème, je vais t'envoyer l'argent, tu vas souvent t'occuper d'elle, tu me dis ce qu'il faut pour elle. Elle accepte. Elle vient me prendre, ma femme, elle descend au village, on monte à Yaoundé. Bon, c'était là, on était bien, on était bien, on était bien. À un moment, la maman a commencé à envoyer l'argent pour m'inscrire à l'école, elle ne m'inscrivait plus à l'école. Donc c'était du genre, mes cousines vont à l'école, moi je reste à la maison, travailler, c'est moi qui faisais tout à la maison. Ça me touchait. Là, maintenant, tu peux aller à l'école. Oui, je ne partais plus à l'école. Bon, entre temps, ton papa rentre, il ne te cherche pas. Mon papa m'a cherché, mais on lui a dit que Mélissa n'est plus en Balmayo. Qu'on ne sait pas. Elle a menti. Non, vrai, il est venu en Balmayo. Ma grand-mère n'était plus là. Donc, les maisons de Balmayo étaient déjà vides, il n'y avait personne. Et là, vous avez déménagé pour où? Pour Yaoundé. Pour Yaoundé. Et là, et lui-même, il est à Yaoundé. Oui, il est à Yaoundé. Mais il ne peut pas savoir parce qu'il n'a pas de renseignements. Un jour, donc, bon, j'ai eu des problèmes avec ma tante. Comment dire, c'est la puberté me dérangeait déjà, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas. J'ai eu des problèmes, je suis repartie chez mon père. Donc, parce que tu connaissais la route à Yaoundé? Oui, à Yaoundé, je connaissais déjà la route, je suis repartie chez mon père. Quand j'arrive chez mon père... Et tu as oublié le conseil que ta maman t'avait dit que tu es petite, elle ne peut pas encore te dire quelque chose, c'est ce que ton père pratique. Mais quand ta maman t'a dit ça, tu as compris ça, ce qu'elle voulait dire? Non. Tu n'as pas compris? Non, je n'ai rien compris. Bon, après je suis repartie. Après, elle me dit, tu es revenue. Donc ce que tu t'es fait, ça n'a pas suffi. Ok, comme tu veux donc faire le bras de fer avec moi. Là, ça, ton père n'est pas à la maison. Non, il n'est plus au travail. Tu as débarqué quand ton père travaille. Elle t'a pointé le doigt, elle a dit, tu es encore venu. Donc ce que tu as fait là, tu n'as pas... Une fois, ça n'a pas suffi. Ok, comme tu veux faire le bras de fer avec moi, je vais te montrer. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Restée. Je n'ai rien dit. Le papa est rentré. Il me dit, c'est comment? Je dis non. La grand-mère... Tu as encore raconté une histoire? Une histoire. Parce que moi, j'ai pour les histoires, j'étais trop fort pour les histoires. Ouais. J'ai raconté une histoire. Elle me disait, pourquoi tu prêtais l'école? On est parti voir le directeur ou ma bien-sœur. Il a dit que non, il n'y a pas de problème. Je vais recommencer l'école. J'ai recommencé. On était là bien. C'est comme ça que ma maman appelait ma tante. Ma tante disait que non, elle est là. Elle est là. Elle va bien. Un jour, donc, elle dit à maman que bon. En même temps, on a su que tu étais là-bas. Non. Ma tante ne savait même pas où j'étais. Et maintenant, elle ta mère appelle ta tante pour demander comment tu vas. On dit que tu es là, mais on ne veut pas dire que tu es partie. Oui, je suis partie. Elle dit à ma maman que tu sais que comme on loue, c'est pénible pour nous, il nous faut une maison. Ma maman dit que ok, il n'y a pas de problème, cherche le terrain, je vais t'envoyer l'argent, tu vas acheter la maison. Et Mélissa, à l'école, ça va. Elle dit oui, non, ça va. Je l'ai même pris un répétiteur, comme elle est un peu bloquée. Attends, qui a dit ça? C'est sa soeur. C'est sa soeur, c'est comme ça qu'il lui dit ça. La grande soeur de ta mère, chez qui tu es censé habiter. Elle a menti comme ça. Donc vous passez ça, vous mentiez, avec vous menti là, vous là. Oui. Bon, on arrive donc. Elle, apparemment, mon maman a commencé à envoyer l'argent pour la maison. Pour acheter le terrain. Oui, pour acheter le terrain. C'est comme ça, donc, étant là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ma maman est tombée malade. Ma maman arrive donc au Cameroun et donc elle débarque, elle ne dit à personne. Oui, elle vient comme ça de... Oui, parce que ça n'allait vraiment plus. Quand elle arrive... Bon, avant de continuer, ta maman faisait quoi là-bas? Bon, elle avait un bar-restaurant. Au Gabon? Oui, elle avait un bar-restaurant. Elle était à Libreville? Oui, elle était à Libreville. Elle a débarqué, elle n'a appelé personne. Elle appelle la tante pour dire à la tante que pour dire à la tante que je suis là, venez me chercher comme je ne connais pas la route. Elle avait déjà trop duré dehors. Oui. Elle ne connaissait pas la route de la maison. Elle a juste appelé ma tante pour dire à ma tante que non, je suis dehors au Cameroun, venez me chercher. Oui. C'est comme ça donc que ma tante arrive. Elle arrive à la maison. C'est comment où est Mélissa? Ah, c'est parce que je ne voulais pas te dire, Mélissa, depuis elle a fui la maison, elle ne sait pas où elle est, elle a abandonné l'école, elle a fait ci, elle a fait ça. Comme ma maman était malade, bon, elle était menacée par la maladie. C'est comme ça qu'elle dit que vous l'avez... Là, elle est rentrée du Gabon malade. Elle demande donc à ma tante que vous l'avez regardée chez son père. Elle dit non, on n'a pas cherché, elle dit non, allez. Comme moi, je n'ai plus la force de marcher, allez chez vous. Vous dites à monsieur. Vous voyez ma fille. Donc, elle était sûre que j'étais là-bas. Elle était sûre que j'étais là-bas. C'est comme ça donc que mes oncles, ses frères viennent. On n'a pas trouvé le papa. La femme du papa dit que non, vous ne pouvez pas venir prendre l'enfant de son absence. Attendez au moins ce qu'il rentre. C'est comme ça qu'elle a appelé mon père. Mon père arrivait à la maison. On dit que non. La mère de Mélissa veut Mélissa. Il a dit, le jour là, il a dit que non, partez, moi je vais venir avec elle. Donnez-moi vos contacts, comme ça je vais vous appeler. quand je suis restée ça encore peut-être fait une semaine. Une semaine après, l'état de ma mère, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Entre-temps, tu es resté une semaine encore chez ton oui, père. Oui, je suis resté une semaine encore chez mon père. Mmh. C'est comme ça que je lui dis, donc, on dit que ma mère est là, je veux partir. J'appelle, il me donne le numéro d'appeler mon oncle. Mon oncle dit que non. On était à l'hôpital avec ta mère. Elle a dit qu'on l'enlève à l'hôpital, qu'on l'amène au village. Mmh. Qu'elle me met sans que là où elle est là, ça ne va plus, elle va bientôt partir. Mmh. Elle veut attendre, elle va l'attendre au village. Mmh. C'est comme ça donc on a arrivé la maman au village. Quand on a mis la maman au village, j'ai dit à mon père que bon, moi je veux aller au village. Mmh. Il dit ok, il n'y a pas de problème, comme tu vas aller au village. Et le village c'est où? Mété. Ah, Mété. Ok, ok. Mmh. Elle dit ok, il n'y a pas de problème, comme le week-end c'est bientôt, tu attends comme tu fréquentes, le week-end une fois encore on t'accompagne au village. Mmh. Le week-end est arrivé, je suis arrivée au village, la maman ne parlait presque plus, elle était déjà paralysée d'un côté. Mmh. Non mais est-ce que le VIH parle, le paralyse? Je sais. Continue, mon soeur. Je suis arrivée, quand la maman m'a vue, elle s'est mise à pleurer. Je lui demande que tu pleures pour pas me dire que... Là, tu as quel âge maintenant? Bon, là, j'avais déjà 16 ans. Oui. Oui. C'est là où, c'était 16 ans, là où tu dis qu'elle décède, oui. Oui. Elle me dit, ma fille, pourquoi tu es têtue? Je lui demande que je suis têtue. Là, ton père t'a laissé là-bas, mais oui. Mon père, donc, il a envoyé quelqu'un me laisser au village. Parce que lui-même, il n'est pas venu. Mm-hmm. Oui. Lui-même, il ne venait presque jamais. Oui. Où il y avait ma mère, parce qu'il ne voyait jamais ma mère. Ok, uh-huh. Ok. Donc, c'était pas personne interposée. Oui. Je suis arrivée. Quand je suis arrivée, bon, la maman a parlé, elle a dit à la grand-mère ce qu'elle avait à dire à la grand-mère. Ça, c'est devant toi, hein? Non. Parce que quand elle voulait déjà rentrer là, mmh. on m'a demandé de sortir, on ne voulait pas que je voie. Mmh. Oui. Je suis sortie, on me dit non, on va faire le tour dehors. On a comment. On t'embrouillait. Oui. On va un peu masser, comme elle nous dit qu'elle a mal au cou, on va un peu masser le cou. Elle avait maigri. Oui, bien maigri. On massait. Donc, c'est en massant, c'est là que ma grand-mère dit qu'elle a dit arrêtez de me masser. Mm-hmm. Prions. Donc, c'est quand ils ont commencé à prier, mm-hmm. elle est morte dans la prière. Mm-hmm. C'est comme ça que je suis, comment les gens sont en train de pleurer à l'intérieur. Mm-hmm. Et on a dit qu'elle a dit qu'elle ne veut pas qu'on mette son corps à la mort. Oui. Je suis venu, on a appelé, j'ai appelé mon père, lui dit que la maman est morte. Il a dit que okay, je serai là demain. Mm-hmm. Le lendemain, quand il est arrivé, il est venu au deuil. Bon, c'est vrai que ma grand-mère, personne ne le gérait. Mm-hmm. On ne s'occupait même pas trop de lui. Lui aussi, il est resté là, il ne voulait pas voir le corps de la maman. Il est resté à distance, quoi. Mm-hmm. Il est resté à distance. Mm-hmm. Quand il est arrivé, il m'a appelé. Il m'a dit, bon, voilà ta mère qui est partie ici dans ta famille. Comme il avait même la bouche, il m'a dit, ta famille m'a tenu, c'est d'abord une famille. Ils n'ont rien. Tous ce sont des pauvres. Mmh. Il va te envoyer à l'école. Là maintenant, si tu veux aller, si tu veux continuer l'école, tu vas marcher comme je veux. Mmh. Tu viens d'abord habiter à la maison. Oui. Donc il donnait justement là, c'est façon de fonctionner à lui. Oui. Mmh. Tu viens habiter à la maison. Mmh. Et en fait, il voulait dire que tu devais choisir entre eux maintenant et, mmh. et lui. Oui. Mmh. C'est comme ça donc, que je vois ma grand-mère. Je dis à ma grand-mère que moi, j'ai envie de continuer l'école. Mmh. Ici, qui va me faire l'école? Et à ce moment-là, tu fais quelle classe? J'étais en... Comme je faisais la technique. Mmh. Oui, j'allais en deuxième année. Mmh. Ma grand-mère me dit que tu vois là maintenant, on n'a pas l'argent. Il faut que tu supportes. Tu attends d'abord quand même. Si l'argent de ton grand-père peut sortir pour qu'on t'envoie à l'école. Mmh. L'argent de ton grand-père comment? L'argent de la retraite, comme son argent n'était pas encore sorti. Oui. C'est comme ça donc que je dis à la grand-mère que moi je pars chez mon père. Mmh. Donc tu prends ta décision? Oui. Oui. Après, quand on a enterré ma mère, 2 jours après, j'ai pris mes choses, je suis partie. Sans dire à ta grand-mère? J'ai dit au revoir. Mais et entre temps, ta grand-mère avait déjà reçu le message que oui. Si ta maman lui a dit que si elle meurt, tu ne rentres pas là-bas. Mm-hmm. Et là, elle t'avait dit ça. Elle m'a dit. Et tu es parti quand même. Oui. Avance, ma soeur. Je suis arrivée chez mon père. Mm-hmm. Il me dit, bon, ici c'est chez toi, tu auras tout ce que tu veux. Ça, tu es encore rentré dans la maison, la femme t'avait donné les avertissements. Oui, je suis là. Déjà dans la maison. Mm-hmm. Mais la femme n'est plus là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé, la femme est partie. Et il n'y avait personne à la maison. Bon, il était là, il y avait ses frères qui restaient avec lui et mmh. les cousins. Et les enfants, la femme qui était là, qui t'a menacé de part 2 fois là, elle a pris deux enfants, elle a laissé une fille. Oui, ouais. Elle est partie. Oui, ma petite soeur. Mais tu ne t'es pas demandé où est-ce que c'est trop. Où est-ce que c'est trop? Non. Tu as seulement dit c'est bien fait pour elle. Oui, parce qu'elle n'était plus là et comme elle ne m'aimait pas. Oui, tu as dit que qu'elle soit n'importe où, ça ne te dérange pas. Oui. Moi, ça me dérangeait parce que j'étais content. Oui. C'est comme ça, donc, bon, on commence, bon, on est là bien, bien, bien, bien. Un jour, il est allé au Bénin. Oui, qui ça? Mon père. Oui. En rentrant du Bénin. Donc, comme il a trouvé tout le monde dormi déjà. Là, à Yaoundé, vous habitez quel quartier? Oudja. À Oudja. Mm-hmm. Il a trouvé tout le monde dormi déjà. Il a trouvé. Donc, Oudja, justement, Oudja, à la sortie, on passe facilement par là en Mbamayo. Mm-hmm. Quelques kilomètres de Mbamayo, oui. Il est arrivé, il a touché chez ma petite soeur, ils ont posé. Attends, la petite soeur dont tu parles maintenant, c'est qui? Celle-là a laissé à la maison. Hein? Oui. Ok, donc, ça veut dire que la femme qui est partie avec deux enfants, mm-hmm. laissait une fille. Mm-hmm. Et la fille à quel âge à ce moment-là? Là, tu es sa grande soeur quand même? Oui, je suis sa grande soeur. Et là, tu es à 16 ans? Oui. Ou bien au-dessus de 16 ans, parce que ta maman oui, est au-dessus mort. De 16 ans. Mm-hmm. C'était au-dessus de 16 ans quand même. Oui. Et je me souviens plus bien de son âge, mais mm-hmm. j'étais son grande soeur. Oui, mais elle était déjà une fille qui avait été à la puberté. Bon, les petites soeurs commençaient déjà à passer. Oh, ok. Oui. Mm-hmm. Mais comme on a un peu le poids chez nous, elle était déjà un peu... On peut croire que c'est une très grande fille. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça qu'il arrive, il allait dans sa chambre, après il vient, il touche chez moi, j'ouvre. Chacun dans sa chambre? Oui. Il a arrivé, c'est assis, il me dit ça va, j'ai dit oui ça va. Il me dit bon, c'est bien parce que tu es éveillé, il faut que je te parle, j'ai dit à parler à ta soeur, elle est d'accord. Oui. Là elle est de parler face à face avec toi dans ta chambre? Oui. Je lui demande qu'il y a des gens encore, il me dit non Seigneur. Mais ça, tu as peur de quelqu'un ici? Pourquoi tu parles, tu baisses la voix? Tu es dans notre chambre et c'est rien qui t'arrivera. Tu es à Douala en plus, n'est-ce pas? Sens-toi à l'aise, d'accord? C'est mon épouse ici, non? Elle s'appelle comment? Sainte Grâce. Sainte Grâce. Toi et elle, vous avez causé? Tu l'as aussi, tu l'as aimée? Elle est sympa. Oui, j'aime. Elle est sympa. Elle est sympa? Mais quoi, peut-être qu'elle est dérangée? Non. Tu ne l'as pas dérangée? Non. C'est passé aussi, n'est-ce pas? Elle t'a bien prise. Mm-hmm. Tu as vu que depuis que tu es venu, je suis occupé, j'ai en l'air. Mm-hmm. Donc tu as dit que je me réfugie chez la Sainte Grâce. Mm-hmm. Que le gars là, on ne sait pas comment il est insaisissable. Mm-hmm. Ok, vas-y, parle alors. On te voit. Bon. Donc ton père vient te voir en rentrant du travail, mm-hmm. il vient te toquer à ta porte. Il avait voyagé, il était au Bénin. Ah, il était au Bénin, c'est à son retour du Bénin. Oui, à son retour du Bénin. Et il a quitté le Bénin, il a quitté la maison pour le Bénin. Vous saviez qu'il est parti au Bénin? Oui. Il vous a dit? Oui. Il partait au Bénin pour son travail. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Oui. Mm-hmm. Quand il rentre, donc, il arrive, il me dit, c'est bien parce que tu es éveillé. Oui. J'ai posé avec ta petite soeur. Oui. Ta soeur, elle est d'accord. Oui. Donc, c'est avec toi maintenant que je vais poser. Il faut qu'il en débatte avec toi. Oui. C'est comme ça que je lui pose la question, qu'il y a un problème. Il me dit, non, ce n'est pas un problème, mais ça va dépendre de toi si tu veux que ça devienne un problème. Ça nous sommes en quelle année exactement? Tu te souviens? C'était en 2000. Parce que tu as dit que ta maman est décédée en 2005. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est juste en 2000. Vous direz, je me souviens plus bien de la date. Bon, de toute façon, là, il est quoi? Il est comptable dans son cabinet ou bien qu'il est déjà président de la FECA Cyclisme? Il est déjà à la FECA Cyclisme. Donc, il a le travail en dans les secteurs. Mm-hmm. Il venait juste d'entrer. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. C'est comme ça, donc, il me dit que ça dépend de toi. C'est toi qui va faire que ça devienne un problème. Je lui dis, il y a quoi? Il me dit, en fait, c'est pour vous dire que... Pour te dire que... Vas-y, parle. Prends courage, d'accord. Ne pleure pas, d'accord. Le temps que ça te, que tu prennes de l'énergie pour pouvoir le dire, à la maison, as-tu constaté, en dehors de votre chambre et autre chambre, y avait-il quelque chose d'anormal à la maison que tu avais constaté? Oui. Qu'est-ce que tu avais constaté? Raconte l'environnement de la maison et autres. Bon, parfois tu es dans ta chambre. Une fois, j'étais aux toilettes. Mm-hmm. Donc, j'étais assise aux toilettes. Mm-hmm. Le serpent sortait derrière le... Comment ça s'appelle encore? Au niveau où on se brosse les dents. Uh-huh. Oui. Quand on brosse les dents, on verse l'eau. Oui. Comme moi, j'étais au niveau des toilettes, j'étais assise. J'étais assise sur les toilettes. Donc, aussi les toilettes. Mm-hmm. Oui. Et là, mm-hmm. à côté, c'était là où on se brosse les dents. Et dans une maison moderne. Oui, dans ma chambre. Oui. à l'intérieur de ta chambre. Dans ma chambre, oui. Oui. Le serpent sortait d'où? Le serpent venait de derrière où on se brosse souvent les dents. Mais est-ce qu'il y a un trou là-bas, hein? Et je ne sais pas, il n'y a pas de trou. Mm-hmm. C'est juste le truc. La partie vide, là, qui descend, la partie qui descend, on se pose la dent, ça descend. Oui, c'est là derrière que ça venait. Et le serpent regardait quoi? Ça venait sur moi. Oui. Quand je soulève les yeux, je vois le serpent. C'est comme ça que j'ai cru que le serpent, quand je sors, quand les gens viennent, le serpent avait déjà disparu. On a cherché, on n'a pas vu. Oui. On a cherché le serpent, on n'a pas vu. Parfois, le matin, je me réveillais, je trouve le sang versé sur, donc, devant ma porte. Donc, déjà, quand tu vas passer, tu es obligé de traverser. De traverser le sang. Oui. Là, ça, tu es à la maison avec ta petite soeur. Oui. Ta petite soeur, vous causiez de cela. Hein? Non. Mais, et quand tu voyais tout ça, quand tu criais serpent, elle ne se dérangeait pas. Elle ne se dérangeait pas. Oui. Quand on dit serpent, ça ne la dérange pas. Oui, ça me dérange. Et là, jusque-là, tu n'avais encore rien compris. Non. Ok. Je n'avais encore rien compris. Et quand tu crées serpent, quels sont les gens qui sont venus pour te secourir? Mais les cousins qui vivent à la maison. Qui vivent à la maison. Eux également ont constaté quelque chose ou quoi? À la maison, comme personne ne parle. Donc, les gens ne parlent pas. Chacun, chacun est sournois. Oui. Tu ne veux pas. Tu vois, mais tu fais comme si tu n'as rien vu. C'est comme ça que les gens de la maison sont. C'est terrible, hein? Ok, donc en dehors des serpents, le sang, qu'est-ce que tu as encore constaté? Et une fois, je suis entrée dans sa chambre, il n'était pas là. Oui. J'ai trouvé un cercle. Donc, on a fait un cercle au milieu, on a fait un truc comme l'étoile. L'étoile, un pentagramme avec les bougies rouges, vous avez quoi? Bougies rouges. Bougies rouges, oui. Bon, quand j'ai vu. Et sa chambre était vaste. Oui, il a une grande chambre. Mm-hmm. Bien grande. Et c'était la première fois que tu entrais dans sa chambre? Non, j'entrais souvent, mais le jour là, je ne sais pas. Mais il avait seulement ouvert, il a oublié la. Sûrement qu'il a oublié parce que le jour là, je voulais aller voler l'argent. Et tu as quand même vu comme ça, tu as quand même volé l'argent. Quand j'ai vu ça, moi je suis partie, j'ai juste volé l'argent, je suis ressortie. Donc, quand tu as vu cela, tu as quand même pris ton argent, oui, tu es partie. Tu as pris combien ces jours-là? Bon, comme il avait toujours les petits billets craquants pour les coller, tu peux tirer 2 billets, pourtant tu as déjà tiré 100 000 comme ça, là, tu ne sais pas. Tu sors toi? Oui. Et tu fais quoi avec tout cela à ton jeune âge? Moi. Tu bois. Tu avais les amis. Tu sors, tu bois, tu joues la vie. Oui. On dit que la fille la vit dans une grande maison, son père est riche. Mais on ne sait pas ce que tu souffres dedans. Oui. Ok. Donc, ton père vient te voir dans la maison. Mm-hmm. Et déjà avant qu'il avance cela, quand tu as dit serpent, quand ton père est rentré, tu lui as parlé que tu as fait le serpent. Ah, lui était là présent. Et quelle était sa réaction? Il n'a rien fait. Il n'est pas sorti. Pour dire le serpent dans sa maison aussi. Non, mm-hmm. Il n'a rien fait. Il était dans sa chambre. Il a continué à faire ce qu'il faisait dans sa chambre. Sans s'en inquiéter. Non. Ok. Bon, maintenant, le jour dont Fatidique vient te dire que j'ai déjà parlé avec ta soeur, oui, et elle est d'accord, mm-hmm, il manque seulement toi maintenant. Et oui. Tu comprenais ce qu'il voulait dire? Au début, je n'ai pas compris. Oui. Mais après, j'ai commencé à poser des questions. Bon, quand il a dit tout seulement dit ça, et puis il est parti. Non, il n'est pas parti, il était là. Oui, continue la conversation. Et il me dit, je ne vais pas vous cacher que l'argent que vous voyez chaque jour ici, là, vous montez, vous descendez dans les grosses voitures. Oui. Pour avoir cet argent, ce n'est pas facile. Oui. La condition qu'on m'a donné le tour que je suis venue ici, oui, c'est de coucher avec vous. Il t'a dit ça cache comme, oui, ça? J'ai dit coucher avec nous. Ton père géniteur? Mon père. Je lui dis que donc, ma petite soeur, donc, je l'appelle déjà, je l'ai appelée Onila. Donc, comme elle s'appelle Onila, je dis Onila a accepté. Il me dit oui. Et j'ai dit à Onila qu'elle ne va manquer de rien. Toi aussi, si tu acceptes, tu ne vas manquer de rien. De rien. Mais là, si tu refuses, je te mens pas que je vais te rendre la vie difficile. C'est ce que ton père te dit. Il te dit ça comme ça, face oui, dans ta chambre. Dans ma chambre, il était rentré du voyage, donc il n'a même pas dormi, il est entré. Uh-huh. Donc elle est entrée directement, elle est venue vers vous. Il me dit, je te laisse le temps de réfléchir. Et si tu es sage, prends une bonne décision. Il le sortit quand il le sortit. Avant de te parler là, il était d'abord chez Onela, oui, parler. Il était donc, chez Onela. Comme Onela aussi dans sa chambre. Oui. Il allait la voir et il a dit que Onela a accepté. Oui. Ok. Bon, tu ne t'es pas dépassé. Ça m'a un peu traumatisé, j'ai passé toute la nuit à pleurer que comment mon pauvre père va coucher avec moi. Quand tu le regardais, comme tu as dit que la première fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Je ne l'ai pas reconnu. Pourquoi? Le jour là, je ne l'ai pas reconnu. Il t'a dit ça, il t'a regardé dans les yeux. Oui, il me regardait dans les yeux, il n'a même pas bon, attends, je pose la question. Nous sommes entre peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans là maintenant. 18 ans. 18 ans. Oui. En 7 ans, tu as connu un homme? Bon, non. Donc là, tu es encore vierge. Oui. Et il sait que tu es vierge. Oui, il savait. Comment il savait que tu étais vierge? Parce que chaque fois, il nous amenait à l'hôpital. Ce n'est pas pour rien que ça nous pose la question, parce que il voulait le sang de la virginité. Il nous amenait à l'hôpital. Oui. Voir un gynécologue pour voir, dire, regarde mes filles, je veux savoir si elles ne font pas encore les nouvelles choses. il faut qu'elle sache qu'il y a les maladies dehors. Ah, il faisait comme un bon père. Oui, un bon père. Le type aussi, bon, non, elles sont encore bien, ils nous ramènent à la maison. Et par conséquent, tu avais peur de coucher avec un garçon. Oui. Sachant que si je couche avec un garçon, avant, j'étais un garçon raté. Oui. Donc, tu fais comme un garçon. Oui. Je jouais au foot, je n'ai pas vécu les seins. Bon, c'est un garçon venu, c'est que tu devais dire. C'est que si un garçon venu, tu devais lui dire, quatre mots. Oui. Bon. Tu dis cette nuit-là, tu n'as pas reconnu ton père. Père. Oui. Et quand il a parlé, il est sorti. Oui, tu n'es pas allé voir, tu as dit ta petite s'appelle Ornella. Ornella, oui. Tu es allé la voir pour savoir vraiment pour. Non, je n'ai pas vu Ornella, j'ai juste fermé ma porte, je me suis couché le lendemain, j'ai appelé Ornella. Oui. Et dans la nuit, tu as dormi comment? Tu as rêvé? Tu as qui a dit? Non, la nuit, je n'ai pas rêvé. Oui. Je n'ai fait aucun rêve. Tu as dormi? Oui. J'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé Ornella. En tout temps, ton père est allé au travail, oui. Il est sorti, oui. Oui, il est sorti. On est là, oui. Le paquet t'a parlé, oui. Il t'a dit quoi? Ça me regarde. Ça te regarde quoi? Attends. On est là, fait quelle classe à ce moment-là? Non, on est là, il a refusé l'école. On est là, il a refusé l'école étant trop jeune. Donc, il ne partait pas à l'école? Oui, elle fuyait l'école. Donc, elle dit de façon orgueilleuse que ça ne te regarde pas? Oui, elle me dit que ça ne te regarde pas. C'est, donc, c'est sûr que ton papa l'a briefé en disant qu'il faut faire attention avec ta soeur? Oui. J'ai dit ok. Mais avant cela, avant que tu nous poses cette question-là, toi et Arnaud, vous entendez bien? À la maison, oui. L'atmosphère à la maison. On s'entendait. Vous sortez ensemble souvent. Oui, oui. Mais pour ce cas-là, elle n'a pas répondu. Oui. Ok. Elle n'a pas répondu. Bon, il est resté là. Je me dis qu'il a commencé ça avec Ornella. Oui. Oui. À un moment, il m'a un peu laissé tranquille. Oui. 20 ans, 21 ans, 22. Toujours dans la même maison. J'étais dans la maison. Tranquille. Depuis le moment où il t'a dit cela, est-ce qu'il vous a encore amené à l'hôpital pour vous tester? Vous faites un test de diagnostic. Vous n'êtes plus allé à l'hôpital. Oui, parce qu'à ce moment-là, moi, je suis devenue un peu plus rebelle. Oui. Oui. J'étais déjà plus rebelle. Il n'arrivait même plus à me dire quelque chose. Mais il quand même te donnait la maison. J'avais quand même l'argent de baigner. Oui, j'avais l'argent de poche. J'avais tout. Et comme il n'y avait pas une grande personne à la maison, qui vous faisait la nourriture, le repas et il y avait une ménagère. La ménagère était là et là. Et quel était ton rapport avec le ménager? La ménagère dormait à la maison. Ou bien elle venait se préparer partir. Elle venait faire à manger et partir. Elle n'avait jamais dit quelque chose, suspecté quelque chose, ou bien te dit quelque chose. Quel était votre rapport? Il était tout le monde à la maison. Donc tu vois, tu ne dis rien, tu as peur de parler. Les gens ont tellement peur de lui que je ne sais pas. Okay. Tout le monde voit, mais personne ne parle. Personne ne parle. Oui. Ok, maintenant on est là. Et par rapport à son comportement, puisque vous étiez des jeunes filles vierges, tu n'as pas constaté un changement sur ton comportement? Si. Raconte. Bon, son comportement, bon, c'est vrai qu'elle était déjà un peu développée, mais à un moment, elle est encore devenue plus développée que moi. Oui, et elle était devenue un peu... Bon, il y avait déjà une différence entre nous deux. Elle était un peu plus privilégiée que moi. Oui, donc on voyait la nette différence. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'à chaque fois que moi, je demandais, on me donnait. Oui, et un jour, donc, là où j'ai tout gâté, c'est quand je suis tombée enceinte. Oui. Et dans la maison, maintenant, tu as connu un garçon. Oui. Oui. Le gars m'a enceinté. Oui. C'est là qu'il n'a même, dont il ne voulait même plus me sentir où il était. C'est comme ça qu'il me dit, ok, tu t'as enceinte. Parce que le gars est même venu. Oui. Le gars dit que non, comme j'ai enceinté Mélissa, je veux. Il a dit que je t'ai pas dit que mes filles veulent aller en mariage. Donc, et si tu continues à venir ici, là, je vais te mettre en prison. Oui, c'est comme ça que bon, le gars aussi, il s'est un peu retiré, mais on se voyait, puis il ne venait plus à la maison. Lui, on a continué à se voir jusqu'à ce que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, parce que j'ai accouché chez ma grand-mère. En Balmaya encore. Quand j'ai accouché, il a fait. En quittant là pour aller accoucher, tu as entendu ton papa? Bon, il faisait semblant de s'entendre avec nous. Quand j'ai accouché, il dit, il m'appelle, il appelle ma grand-mère, il dit à la grand-mère que comme chez vous, il y a trop de sorcellerie, je ne veux pas qu'on fasse un truc à ma fille, je veux... C'est ton père qui appelle ta grand-mère pour dire que comme chez vous, il y a trop de sorcellerie. Quand ma fille va accoucher, je veux son placenta. Donc, quand ta fille, toi, qui est toi, que quand tu vas accoucher, il faut qu'on lui envoie le placenta de l'enfant. Oui. Ma grand-mère a dit que. Parce que le gars, elle a dit ça en patois. Il vous dit une boîte, mais ma zolère n'a zamba, alors il vous dit donc, je vais te montrer que Dieu dépasse ta petite sorcellerie que tu as. Fais ça avec elle là-bas, le placenta, si je ne te donne pas. C'est comme ça que ma grand-mère a pris le placenta, il y avait une fosse là-bas, l'hôpital, elle est partie, j'étais fait dedans. Il m'appelle, il me dit. On t'a donné ton placenta, je dis non. Il me dit ok, monte avec l'enfant et en nous. Là tu venais d'accoucher encore à l'hôpital. C'est comme ça, donc au moment où je voulais monter avec l'enfant et en nous, mon oncle, le petit frère de ma mère, oui. dit que Mélissa, tu ne pars pas avec l'enfant, c'est rien. Mais si tu ne pars pas, se laisse l'enfant. Oui. Et alors que l'enfant n'est que nourrisson encore. Oui, l'enfant n'avait même pas encore un mois. Mm-hmm. C'est comme ça donc que le papa commence les problèmes. Qu'il veut sa fille et sa petite fille. Mm-hmm. Il a commencé les problèmes, jusqu'à il est venu au village. Oui. Oui, quand il vient au village. Alors que quand tu es avec lui à la maison, quand tu étais à la maison, il ne te gérait pas. Non, il ne me gérait pas. Pourquoi subitement cette voix te fasse là? Ce désir de te voir avec l'enfant. L'enfant, je ne sais pas. Ok, avançons. C'est comme ça donc mon oncle dit qu'au père, tu veux ta fille. Mm-hmm. Voilà ta fille, mais moi, reste avec notre petite fille. Mm-hmm. Il dit ok, je m'en fous, reste avec l'enfant, vous allez vous occuper d'elle. Sachez donc que ma fille ne va plus jamais remettre les pieds ici. Et là, donc, ça se passe devant toi. Oui, mm-hmm. C'est comme ça. Donc, il me prend, il me ramène à Yaoundé. Il vient avec son chauffeur. Mm-hmm. Il me ramène, quand on me ramène à Yaoundé. Donc, mon oncle appelait le gars qui m'a enceinté. Oui. Et oui, bon, comme lui aussi, il était dans une famille bien. Mm-hmm. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de l'enfant. De l'enfant. Mm-hmm. C'est comme ça que le gars commence à s'occuper de l'enfant. Je remonte donc à Yaoundé. Je sais, donc, il y avait encore le sang que je venais d'accoucher chez lui. Wow. Il vient. Et avec le sang, l'enfant. Oui, non, je n'ai pas arrêté. C'est l'enfant n'a pas été le sein. C'est l'enfant, ton enfant ne t'a pas manqué. L'enfant me manquait. Mmh. Mais de temps en temps, je fuyais la maison, je partais souvent au village pour voir l'enfant. Mais il ne savait pas. Comme il partait au travail. Oui, parfois même je manque, je vais à Douala, je vais voir un ami, je suis au village mmh. avec l'enfant. Mais l'enfant, je n'ai pas allaité l'enfant. Mmh. C'est comme ça qu'il me dit qu'ok, bon, comme c'est comme ça, il faut prendre tes garniture, tu me donnes. Qui dit ça? Mon père. Attends. Dans le sang que j'avais, le sang que j'avais. Ok, c'est pour cela qu'il est venu te voir fraîchement. Oui. Donc il dit que tu prends les garnitures. Oui, je lui donne. Parce que quand la femme accouche, il y a le sang qui coule constamment. Mm-hmm. Elle dit que tu lui donnes ça pour qu'il fasse je quoi. Je lui donne ça, je ne sais pas ce qu'il voulait faire avec. Bon, et moi aussi, c'est là que j'ai commencé. Pourquoi le type s'y est comme ça? Il m'a chassé avec la grossesse, il veut le placenta. Maintenant, il veut déjà le sang. Mm-hmm. Donc, la période aussi, on est la saignée. Mm-hmm. Je suis partie dans la chambre de Orné, là, j'ai pris sa garniture d'Orné, là, je suis allée donner, parce que je ne voulais plus de problème avec lui, j'étais mm-hmm. fatiguée des problèmes. Mais toi-même, là, tu es intelligente, hein. Tu allais prendre les garnitures que ça, ta petite soeur, les garnitures que ta petite soeur saigne. Oui, comme elle aussi, quand elle saigne, j'ai ça un peu balancé, c'est un peu partout. J'ai pris, c'est comme ça. Attends, me dit, allons-y, ton père à la maison, mm-hmm. tu prends ça, tu arrêtes à main. Oui, je pars dans ma chambre. Oui, tu pars dans ça, tu attends qu'il vienne demander. Non, je n'ai pas attendu, j'ai dit que je viens juste, comme je venais de me laver, j'ai mm-hmm. changé ce que j'avais, mm-hmm. j'ai donné. Et il est venu prêcher, ou bien tu es allé donner? Non, je suis allé donner. Dans sa chambre? Oui, je suis allé dans sa chambre. Tu le tends entre les mains? J'ai donné, il a pris. Il prend? Moi, j'ai juste tourné le dos. Il a dit merci? Oui, il a dit merci, il me dit, voilà, tu vois, tu commences déjà à réfléchir comme il faut. Ça veut dire que tu me veux du bien, moi, ton père? J'ai dit oui. Il me dit si je suis bien, tu es bien. J'ai dit ok. À un moment. Oui. J'ai tourné le dos. Uh-huh. Et puis, alors c'était pour ta soeur que tu as donné. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça donc. Bon, c'est fini. Mm-hmm. Il me dit c'est comment. Je dis non, ça ne coule plus. Que tu ne donnes plus le sang encore. Oui, ça ne coule plus. Ça mais tu ne lui demandes pas que tu fais quoi avec ça, papa. Non, je n'ai pas demandé. Mais est-ce que à ce moment-là, tu comprenais? À ce moment, je commençais déjà à comprendre. Et ça ne te fait rien de rester dans cet environnement-là. Ça ne me dérangeait pas. Tant que moi, me donnait l'argent, ça me tranquille. Sur ce, quand tu dis tant qu'on me dérange, tant qu'on me donne l'argent, ça ne me dérange pas. Voici, c'est ton âme qui est en jeu. On pouvait te tuer n'importe comment. Tu es ton enfant, tu es comme ta maman et moi. Mais à cause de l'argent, tu vois effectivement que tu étais maintenu là-bas. Donc, quel conseil peux-tu donner aux jeunes filles qui peuvent nous écouter et qui traversent ces moments, les moments difficiles où il manque d'argent, mais qui sont avec un sorcier? Qu'est-ce que tu peux leur dire maintenant avec le recul, avec ce que tu as reçu comme enseignement derrière ça? Est-ce que quelqu'un va rester à cause de l'argent? Non. Au prix de perdre son âme. Non, non. C'est vrai que l'argent, quand tu as l'argent, ça fait un petit bonheur pour un petit temps. Mm-hmm. Mais à un moment, ton âme, toi-même, tu restes tranquille. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis même en train de faire? Quelle vie je suis en train de mener là? Oui. Tout ça pourquoi? Mm-hmm. Parce que je veux l'argent. Non. Et pardon, quand il est ton père là, est-ce qu'il était membre d'une église quelconque? Oui. Où ça? Les églises orthodoxe. Église orthodoxe. Oui. Donc, église catholique orthodoxe. Pas catholique, romaine. Je crois soit romaine, quelque chose. Bon, il allait dans quelle église? Dans quelle partie? Le nom de ça, c'est quoi là-bas? Bon, c'était juste, je savais que. Bon, parce que moi, je ne partais jamais là-bas. Mm-hmm. Moi, j'étais protestante, c'est là-bas que je partais. Tu protestais pendant qu'il est orthodoxe? Oui. Il est orthodoxe. Oui. Bon. Et il y a les prêtres qui venaient souvent à la maison. Oui. Les prêtres, ils s'habillaient comment? Les longues robes noires avec les trucs. C'était les blancs. Mm-hmm. Il n'y avait pas de noir. Mm-hmm. C'était juste les blancs, les longues robes avec le petit truc des prêtres qu'on met souvent à l'intérieur. Avec les longs chapeaux. Ils venaient à la maison faire quoi? Prier à la maison. Parfois, ils s'enfermaient. Il avait une pièce là-bas dedans. Ils s'enfermaient, ils priaient, ils faisaient leur truc là-bas. Et tu pensais que c'était Dieu qui priait? Non. Quand tu regardais ces gens-là, ils venaient faire quoi certainement? Moi, je me dis que c'était ces gens avec qui ils faisaient ces incantations mystiques-là. Et maintenant, le dimanche, lui-même partait aussi à la messe. Oui. Et quand il part à la messe, vous avez des gens aussi qui du bas peuple qui sont à la messe avec eux. Est-ce qu'ils savent que c'est la sorcellerie qu'ils font? Je ne crois pas. Les gens ne sont pas au courant? Non. Ok. Donc, c'est le tour au niveau où tu donnes la couche, le retour à ton père. Et puis, oui. Il dit maintenant que tu me manges. Voilà, tu es intelligent. Oui, si intelligent. Moi, je suis bien, toi aussi, tu es bien. Oui, tu es bien. Là, il est content de toi que tu aies sa blanche, sa fille a compris. Oui. Mm-hmm. C'est comme ça. Donc, un jour, je ne sais pas quel problème il a eu avec Ornella. Oui. Ornella vient donc vers moi. Uh-huh. Ornella me dit, Mélissa, je suis fatiguée. Je dis, tu es fatiguée, que tu as quoi? Tu as besoin avec ton père, tu es fatiguée. D'accord. Tu ignores que quand il a les problèmes, il est sûr que tout le monde. Mm-hmm. Elle me dit, non. Je n'aime pas ça. Mm-hmm. Je dis, c'est quoi? Elle reste tranquille. Après, elle me dit, non, ça va. Mais je veux te dire que tu as fait un bon choix. Je dis, quel choix encore? Donc, maintenant, là, elle s'ouvre. Oui. Elle veut s'ouvrir. Donc, oui. Alors qu'initialement, elle t'avait rebalayé de lever de la main. Je lui dis, quel choix? Il y a quoi? Elle me dit, non, laisse tomber. Elle me sort. Oui. Elle s'enferme dans sa chambre. Je parle, on est là, elle ne me parle pas. On est là, elle ne me répond même plus. Mm-hmm. Bon, j'ai laissé. Bon. Peut-être, je peux dire, quelques années après encore, oui. Il revient, il me dit, bon, parce que c'est là qu'il a eu les problèmes, mm-hmm. Pas en prison. Oui. Bon, attends, dit, durant ce moment-là, tu lui as donné la couche une seule fois. Oui. Il a pris le sang, il n'a pas constaté que ce n'était pas ton sang. Je ne sais pas. Maintenant, parce qu'à une période, quand j'ai fait ça, peut-être même un mois après, il m'a détesté. Il t'a détesté? Oui. Peut-être, ça veut dire qu'il m'a dit que la sorcellerie que tu fais dans cette maison, toi-même, ça va retomber sur toi. Ah, que toi-même, tu ne faisais rien. Oui, moi, je ne faisais rien. Il te dit que la sorcellerie que tu fais dans cette maison, ça va retomber sur toi. Oui, ça va retomber sur moi. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Mais il y avait parfois les jours, le Saint-Esprit entrait en moi, je priais, je lisais la Bible. Mm-hmm. Et quand je lis la Bible, lui et moi, on a les problèmes. Il savait ça? Oui, il ne m'aimait pas. Je peux faire, on peut faire un, deux mois, on ne se parle pas. Mm-hmm. Moi, ça ne me disait rien. Moi, ça ne me dérangeait même pas. Mais là, tu savais que ton père était un sorcier. Oui, c'est là que j'ai commencé à soupçonner qu'il est sorcier avec ce que ma mère a dit qu'il faut. Et là, étant à la maison, là, tu t'es rappelé maintenant ce que ta grand-mère t'avait dit. Oui, et à un moment, j'ai commencé à faire les rêves bizarres. Quels sont les rêves que tu faisais par là-dedans? Donc, le serpent vient pour coucher avec moi. Oui. Je suis couché, le serpent s'enroule sur moi, il veut m'avaler. À un moment, je commence à crier que Seigneur, aide-moi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand je commence à crier, mon Dieu, une fois. J'ai fait le rêve là. Donc, Élie était en prison. Oui. Il était déjà en prison. Oui. Oui. Que le serpent m'avalait déjà. Le serpent m'avait déjà avalé à nouveau. J'ai commencé à pleurer que mon Dieu, quand j'ouvre les yeux, oui. Quand j'allume la lumière, oui. Je vois sa silhouette devant moi. La silhouette. Oui, donc j'ai vu son visage. Il était là comme s'il était vraiment là en vrai. Je dis que comment le type, s'il est en prison, comment il vient encore sortir devant moi? Oui. C'est comme ça que j'ai laissé la lumière allumée. J'ai pris la Bible. Oui. J'ai commencé à lire la Bible. Je n'ai plus dormi. Sa silhouette était debout. Oui, il était debout devant moi. Il me regardait, il me fixait. Le serpent était en train de vouloir m'avaler. Attends. Là, il était là physiquement et le serpent était à côté. Donc, dans le rêve, oui. Le serpent m'a avalé. T'avalé. Oui, il m'avait dit, presque avalé, tu étais au niveau des reins. Oui. C'est quand et quand tu t'es rêvé de ce songe-là, oui, tu as levé la lumière, que tu vois physiquement maintenant sa silhouette. Je vois sa silhouette. Il est tenu devant toi. Il est tenu. Après, la silhouette va où? Ça a disparu. Là, on s'est mêlé ça. Mais après cette témoignage-ci, on va prier pour toi. Ne t'inquiète pas, tu seras délivré. Oui. Totalement et qu'il n'y aura absolument rien. On va voir la direction du Seigneur, comment on va faire par rapport à ton établissement, comment tu vas, là où tu vas rester, d'accord? Mm-hmm. Mais il faut qu'on creuse là, dans les profondeurs pour que tu dises, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'au fur et à mesure que tu en délivres, ça te revient. Mm-hmm. Ta petite soeur, au niveau où ta petite soeur va dans la chambre, elle voulait te dire quelque chose. Oui. Elle vient vers toi, elle dit que tu as fait le bon choix. Oui. Maintenant, elle ton père n'est pas encore en prison. Si, il est en prison. À ce moment-là, oui. Aurélie réagit comme ça, oui. Ton père est en prison. Oui, il venait d'aller en prison. Ok. Il venait juste d'aller en prison. D'aller en prison. Oui. Ok. Et depuis le moment, je veux dire, depuis le moment où tu lui as donné la couche de ton, le truc de serviette hygiénique de ta petite soeur, mm-hmm. jusqu'à ce qu'il aille en prison, est-ce qu'il t'a harcelé encore d'une certaine façon? Il t'a demandé encore quelque chose. Là, c'était déjà, je vivais ça seulement dans les rêves. Dans les rêves seulement. Oui. Toujours serpent, lui, pression. Oui, c'est, non, serpent. Serpent seulement. Parfois, ça prenait donc le visage de quelqu'un que je connais. Peut-être si je connais un gars. Oui. C'est le gars qui vient devant moi pour oui. me dire que Mélissa. Je dis non. Uh-huh. Comment toi, tu attends seulement la nuit dans les rêves pour venir me... On m'a toujours dit que dans les rêves, les trucs comme ça, c'est dans les rêves. Bien. Oui. C'est dans les rêves que tu lui dis que comment oui. tu attends la nuit dans les rêves la pour venir me faire l'amour avec moi. Oui. Mm-hmm. Alors je me réveille. Oui. Chaque fois que tu te réveilles. Oui. Même dans, même dans les rêves, ce n'est pas facile. Hein? Donc, quelqu'un vient coucher avec toi dans les rêves, tu lui dis que mais comment tu attends dans la nuit, dans les rêves, pour venir coucher avec moi. Donc, c'est pas toi. Non, on m'avait toujours dit qu'il y a deux choses, que faire l'amour dans les rêves et manger, ce n'est pas bien. Non, c'est comme ça. Il doit y chercher des voies et moyens pour venir coucher avec toi comme ça. Il cherchait. Mais à un moment, j'ai commencé à me renseigner. Oui. Oui, j'ai demandé aux amis que quand ton père est dans les cercles, quand il veut coucher avec toi, on m'a dit que non, n'aie pas peur. Pour qu'il couche avec toi, il ne doit pas te forcer. Mm-hmm. Il te il faut dit le consentement. La vérité, tu dois accepter coucher avec lui. C'est là qu'il va le faire. Tant que tu n'acceptes pas. Il ne peut pas te forcer. Parce que si il ne te force pas, si tu forces, si l'acte force, n'est pas accepté. Oui. Oui. Donc, il faut que le ton consentement. Oui, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, c'est mais ce qui t'avait dit ça aussi. Un gars que j'avais aussi connu comme ça, là, qui m'avait dit que son père aussi faisait la même chose que mais que lui, son père lui l'avait mis dedans. Et lui était sorcier. Oui, il est entré dedans. Donc il connaissait de quoi il parlait. Il connaissait. Mais il t'a dit que pour lui, il pratiquait. Mélissa, toi-même là, tu as des amis avec ton père. J'avais. Tu as coupé court avec eux. Oui, j'ai coupé. Ok, avançons. Donc, du moment où tu prends la couche, tu lui donnes là, il prend, juste à ce qu'il te remercie, jusqu'au moment où il part en prison, y a-t-il un intervalle où il te persécute encore? Non. Ok, tu as dit seulement dans les rêves. Oui. Quel événement l'amène en prison? Détournement épervier. Donc on a il est à en Koningé à cause des biens des trucs de la FECA cycliste. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'on l'a déjà jugé? Oui. Et on l'a condamné à combien? 35 ans. Il va faire après on a enlevé 10 ans à laisser 25. Donc il va faire 25 ans. Mm-hmm. Bon, et la peine a commencé, elle a fait combien d'années? Il a déjà mis long là-bas. C'est depuis de combien d'années, de quelle année qu'il est en prison? Depuis quelle année précisément? Parce que ton maman est mort en 2005. Mm-hmm. Et depuis ce 2005-là, tu es en train d'habiter là-bas. 2006, tu es en train d'habiter avec lui. Oui. Et donc, 2006, nous sommes en 2016. Donc, ça il fait. Il est allé en prison en quelle année encore? Il est quitté de là-bas pour. Présent à FECA cycliste pour aller en prison. Ou bien il était sorti, il n'était plus présent. Non, il était toujours là-bas. À présent, c'est cycliste. Oui, il était toujours là-bas. C'était là. Pardon, c'est de là qu'on l'a amené en prison. Mm-hmm. Okay. C'est de là qu'on l'a amené en prison. Donc ça veut dire que ça va être quelle année donc l'opération au PV des... on l'a amené, c'est quand on l'a amené avec les vagues des ministres là qui sont partis. Oui, les Ababa, tout ce beau monde. C'est donc c'était ses copains alors. Oui, tout ça était ses amis, tout le monde là dans la maison. Parce que Ababa, je crois qu'il est à Oja, quelque chose. Oui, à bord de 10 devant. Devant vous. Mm-hmm. Ok. Donc maintenant, tous ces copains qui se réunissent dans les trucs se trouvent maintenant dans la même prison. Ça veut dire que ça, en prison là, ça va être grave avec la sorcellerie. Hein. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils font là. Ok, depuis qu'il est en prison, il communique avec l'extérieur. Oui, il sort. Il sort. Il sort comment? Il passe la journée, rentre le soir. Attends, depuis qu'on l'a condamné, il sort comment de façon officielle? Les gens ne savent pas. Les gens savent. Il sort. Bon, apparemment, tu payes, tu donnes 50 000 au régisseur pour une journée. Oui. Et quand il sort avec les militaires derrière lui? Non, il ne sort plus avec eux. Ah, il sort seul. Oui, il sort seul. Il vient à la maison, il passe la journée, il rentre à 21h. Et quand il vient dans la journée, les gens voient. Oui. Mais et personne, l'autorité de du Cameroun, personne ne connaît ces choses-là. Ils connaissent, non, c'est leur business. Non, je voulais dire qu'ils ne connaissent pas. Le régisseur de prison. Oui. Fait ces choses-là. Mm-hmm. Et il libère, c'est le régisseur de prison de Nkondengi. Mm-hmm. Il libère la. De la prison en Koningé à Oja, il y a quand même les gens qui le connaissent physiquement. Il y a les gens, on a même déjà sorti ça une fois pour Poli a sorti ça que vous dites que les grands là sont en prison, ils roulent dans leur grosse voiture. Une fois on l'avait filmé dans une de ces grosses voitures, une fois c'est sorti dans Poli. Et jusque là il continue à sortir. Oui, il continue. Et même le président de la République n'a rien dit par rapport. Je ne sais pas. Là-bas, je ne connais pas leur politique. Bon, ok. Donc, on l'a enfermé pour 25, tu as dit pour 25 ans. Mm-hmm. Parce que c'est 35 ans. Puis, il a fait appel, on a réduit la peine de 10 ans. Mm-hmm. Maintenant, 25 ans de prison, mais il continue à sortir. Et il sort constamment combien de fois? Bon, il sort le lundi. Le lundi. mardi, mercredi, vendredi, samedi. Donc, je vois 4 fois par semaine. 4 fois. Les autres jours, toujours, il est lui à l'intérieur. Oui, et en dehors de lui, là, les autres ministres aussi, qui sont là, ils sortent aussi. Ils sortent. Mais ça, tu me surprends. Les autres sortent aussi. Comment tu sais aussi l'autre là? Parce que tes amis, certains viennent souvent manger à la maison. De qui, par exemple? Il y a, comme je ne connais même pas bien leur nom, là, il y a un là. Le voiture qu'on avait arrêté dernièrement là. Il y a un voiture qu'on a arrêté. Celui qui était avec Afour. Il y a Mohamed. Non, il y a un là, il était quelque chose aussi dans leur gouvernement là. Ils sont pleins qui viennent souvent à la maison. Ils passent, parfois même ils viennent la journée, ils passent la journée là à la maison. Ils causent là-bas. Oui. Ils causent de quoi à la maison? Et ça, parfois ils ramènent souvent les petites filles, ils s'enferment avec les petites filles là-bas, ils font leurs choses, après ils ressortent et pas. Tous les ministres là? Oui. Et ne sais pas là où c'est ton témoignage va nous entraîner, mais. Je pose la question. Quand il vient comme ça, tu es à la maison, Aurélie est à la maison. On est là, oui. On est là à la maison. Oui. Et qui les prépare la nourriture? Il y a un ménager. Donc, la ménagère est là pendant qu'il est en prison. Qui paye la ménagère? C'est lui. Il paye comment? Étant prisonnier pour 25 ans. Oh, non, il veut essayer de savoir. Il faut, bon. Faire. Et entre-temps, vous avez votre argent de beignet. Oui. Les factures de la lumière, l'électricité. C'est lui. Qui paye? Il paye. C'est lui qui paye. Donc, c'est vrai qu'en réalité, vous êtes en contact avec lui étant à l'intérieur. Mm-hmm. Bon, et toi-même, tu es allé lui rendre visite là-bas? Non, il ne veut pas qu'on entre là-bas, c'est lui qui sort. Quand tu as besoin de quelque chose, il te dit, bon, attends, je serai à la maison, ou on voit quelle personne venir te prendre. Il ne vient pas, il n'aime pas qu'on entre à ton ami. Uh-huh. Oui. Donc, et il vient dans la maison, il vient, il est toujours bien portant. Oui. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, il ne souffre pas, là? Non. C'est no, selon toi, ça, c'est pas ton témoignage, selon toi. Uh-huh. Tu aurais souhaité que la justice soit bien faite pour que les gens soient à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Mais quand ton père sort comme ça avec les gens là et que oh, dans le média public, on dit que telle personne est enfermée, Yves Michel Fotso, Marafa Hamidou Yaya, tous sont en prison pour tel nombre d'années. Et on donne donc ça en prison. Et ils sont dehors, c'est normal. Mm. Ils viennent à la maison manger ensemble. Tu les vois, il y a la télévision, tu les vois. Mm-hmm. Ok. Maintenant, quand il vient à la maison, depuis donc il vient, quelle est donc la relation depuis qu'il a été condamné? Quelle est la relation avec toi? La relation n'est pas bonne. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un veut qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est maintenant qu'il met la pression, qu'il me harcèle. Et sinon, c'est l'une des raisons qui t'a amené vers moi. Oui. Donc c'est ça principalement qui t'a fait à venir vers moi. Oui, parce que la dernière fois, récemment là, il est venu. Oui. Il m'a dit. Nous sommes au mois de mai. Oui. Dans quel mois? Ça fait le mois de mai, si. Il a annoncé d'abord le 1er avril. 1er avril. Oui, il est venu me dire par rapport au truc que je t'ai dit, tu fais comment? Il pose toujours la question. Oui, je dis que je réfléchis encore. Il me dit, j'espère que le tout, si tu vas prendre une bonne décision. Je lui dis, non, le tout, si je vais bien réfléchir. Attends, quand il dit le par rapport au truc, est-ce que tu avais dit ça de façon explicite qu'il veut coucher avec toi? Oui. Le soir qu'il était rentré du Bénin, il m'a dit. Oui. Il m'a dit. Donc, quand il vient comme ça, il vient à la maison, il se lave. Après, il te dit que le truc là, notre truc là. Oui. Mais il fait Mélissa. Non, parfois, il m'appelle ma grande. Il t'appelle Mélissa. Il appelle tous ses enfants mes princesses. Ses princesses? Oui. Et il couche avec un. Oui, et s'il fait ça avec Onela. Avec Onela. Oui. Bon, maintenant, pour Onela, allons sur Onela. Comment tu sais qu'elle couche avec Onela depuis là? Parce que Onela elle-même, ça fait une semaine, elle m'a enfoui ça. Une semaine? Oui. Donc, nous sommes le 6, le 5 mai. C'est le 5 mai aujourd'hui? Oui, le 5 mai. Donc, la semaine dernière, elle t'a avoué, explique-nous. Bon, son téléphone était daté. Oui. Comme j'ai souvent deux téléphones, elle m'a dit, donne-moi un téléphone. Mmh. J'ai pris un téléphone. Tu lui as donné? Oui. Elle a utilisé le téléphone. Bon, le jour là même, j'étais fâchée. Elle m'a dit, pourquoi tu donnes ton téléphone? Elle dit, non, c'est ma soeur, c'est comment? Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de téléphone. Bon, comme le jour là, moi, j'étais pas à la maison, j'étais chez Serge. Elle vient donc me remettre le téléphone. Quand elle me remet le téléphone, elle me dit, en passant, même j'ai oublié de te dire, le pâté nous a acheté le téléphone. Je dis, ah, donc tu as déjà le téléphone? Elle me dit, oui. Donc, il était en prison, le prisonnier lui a acheté le téléphone. Oui. Il lui dit, ouais, pour moi, elle me dit, pour toi à la maison, je ne suis pas venu avec, tu vas venir prendre quand tu vas venir à la maison. C'est comme ça, donc elle me remet mon téléphone. Le téléphone que tu lui as donné, qu'elle utilise, oui. Elle sort avec un gars. Le gars, là, il reste même ici à toi, on l'appelle Fouga. Je commence donc à fouiller le téléphone, la curiosité aussi, moi aussi je me mets à fouiller. Ton téléphone que tu lui as donné? Mon téléphone. Oui. Parce que je n'avais pas enlevé ma puce MTN, ma puce MTN était dedans. Oui. Je commence à fouiller. Elle a commencé à utiliser cette puce, laver les messages? Non, elle a juste mis sa puce là. Oui, comme le téléphone là prenait 2 puces. Okay, oui, un Samsung qui prenait 2 puces. Par conséquent, ça va maintenir les appels et les messages. Oui, et les messages. Les messages, oui. Et c'est ce que ça a fait. Mm-hmm. Je suis donc, elle rentre donc. Mm-hmm. Non, elle n'est pas rentrée. Parce que le soir, elle me dit que Mélissa, on va manger à Basso. J'ai dit qu'attends, j'ai fini avec Serge, on parle. Je suis donc avec Serge, je suis en train de manipuler le téléphone. Je tombe sur les messages. Oui. Je vois les messages, elle a écrit à son ami. bonsoir. Son ami qui est ici à Douala. Oui. Mmh. Oui, son ami répond. Elle demande au gars, tu me trouves bizarre. Le gars dit bizarre comment? Elle dit au gars, si un jour on te dit que je suis dans le secte, tu vas faire comment? Le gars dit, c'est quel genre de question ça? Après, elle dit au gars, si un jour on te dit que j'ai le serpent dans le vent, tu vas faire comment? Tu vas me laisser? Le gars lui a dit que gars, toi tu me payes après avec tes questions, là moi je ne sais pas ce que. Là ce sont les conversations que je viens de voir, oui. Les conversations encore aussi. C'est comme ça donc. Et là tu as encore ce téléphone là. Je n'ai plus sur moi. Non, vous voulez dire que tu as gardé le message avec le téléphone là. Je n'ai plus le téléphone, j'ai vendu. Avec le message là. Bon, j'ai supprimé tout et j'ai vendu le téléphone. Ok, tu as eu peur. Bon, non, c'est pas ça. Comme moi j'avais déjà un autre téléphone, je ne voyais plus digiter de l'autre là. Ah, mais tu avais quand même le renseignement que tu voulais. Oui, j'appelle. Attends, non, continue la conversation. Qu'est-ce qu'ils ont posé quoi? Oui, c'est tout. À un moment, quand le gars a voulu poser trop de questions, il a dit, va que laisse tomber. J'appelle donc Serge. Donc elle dit à ce garçon qui est son petit ami, oui. Que si tu apprends un jour que j'ai le serpent dans le ventre. Dans le ventre, tu vas faire comment? Tu vas me laisser. Tu vas me laisser. Quand le gars lui dit que c'est quel genre de questions, c'est quel genre de trucs que tu me parles, il dit, va que non, laisse tomber, je voulais te déranger. Oui. Je montre dans le message à Serge. Serge me dit que non, c'est quelle histoire ça? Mais tu sais que vous êtes simple à moi, je vous dis pardon. Non, Serge a vu le message. Oui, Serge a vu le message. Mm-hmm. Serge me dit, tu sais quoi? Pose-lui la question. Mm-hmm. Demande-lui, dis-lui, amène-la à te parler. Voilà. C'est comme ça que je dis, bon, comme on doit rentrer, moi je pars déjà, on va se voir demain, je te tiens informé, je te dis, nous sommes sortis, nous sommes allés à la parce que nous sommes allés manger. Et là tu es parti avec Aurélie là. Oui, Ornella. C'est Ornella, hein. Oui, Ornella. Où est-ce que Aurélie vient faire dans ma boutique? La femme de la chambre. Oui. On arrive à la maison. Aurélie vient dans ma chambre. Je commence à dire. Ça, vous avez fini à Bastos, au quartier Bastos, quartier chic. Vous partez comme ça, où est-ce que vous prenez l'argent pour aller jouer la vie là? Ma soeur, c'est tout ton. Il vous donne l'argent d'aller jouer. Bon, il nous donne souvent l'argent. Allez, vous balader. Oui, l'argent de la semaine pour tenir des poches. Et il te donne par exemple à toi combien par semaine par exemple? 50 000. Chaque semaine? Oui. Et il donne à toi 50 000, on est là 50 000. On est là plus. On est là plus parce oui. Qu'elle se soumet. Oui. Et là, chaque semaine, elle gaspille puisqu'elle a assez d'argent. Oui. Et ton père, la question que je te pose à toi maintenant, ton père prend l'argent là où pour donner chaque semaine, il paye en même temps les prisonniers, les trucs de prison pour sortir, le registre de prison pour sortir, et les différentes dépenses qu'il fait. Étant sur place, où est-ce qu'il prend l'argent? Tu ne sais pas, tu manges seulement. Il fait l'élevage, il va nous dire qu'il fait l'élevage, il a ses immeubles qu'il a mis à louer, il a son terrain. À l'issue de la justice n'a pas saisi, c'est un bien. C'est pas les deux là, il n'a pas mis ça à son nom. C'est au nom de un de ses chauffeurs à qui il fait vraiment confiance. Donc c'est pas parce qu'on ne peut pas tracer arriver vers lui. Je ne sais pas. Ton père est fort, c'est un vrai comptable. Oui, avançons. Donc il vous donne 50 millions. Ce qui fait que quand vous allez à Bastos, vous pouvez jouer la vie comme vous voulez. Oui. Là, quand vous avez fini à Bastos, la nuit, le soir, vous êtes rentré. Tu as appelé, on est là. Dans ta chambre. Dans ma chambre, je dis que Serge, je me fatigue, il me colle trop, je ne veux même plus trop être avec Serge. Je lui dis pourquoi. Pourtant, moi, je vois que Serge t'aime bien. Je lui dis, non, regarde. Bon, j'ai commencé à l'embrouiller un peu, à l'amener, à me faire confiance pour qu'elle s'ouvre vraiment à moi. Mm-hmm. C'est comme ça que je lui dis que, en passant même, tu vas m'excuser. La curiosité, c'est quand ils sont que la curiosité, si. Mm-hmm. J'ai vu un truc dans mon téléphone. Ça m'a pas plu, je n'aime pas les choses comme ça. Il me dit, quoi, non? Il dit, comment tu peux dire des trucs comme ça à Fouda? Mm-hmm. Même si c'est même ça, garde ça pour toi. Mm-hmm. Tu as fait comme si tu étais au courant. Puis, elle me dit, tu es sûr que tu as vu le message? Il dit, je n'étais pas sûr comment c'est comme ça, donc je sors le message, je lui montre. Et là, tu as ça encore avec toi? Oui, j'avais encore le téléphone. Mm-hmm. C'est comme ça qu'elle baisse la tête et se met à pleurer. Elle a commencé à pleurer? Oui, elle me dit, Mélissa, je suis fatiguée. Je dis, tu es fatiguée comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi, dis-moi, et quoi? Elle me dit que Mélissa, je suis fatiguée. C'est moi qui garde le serpent du pâté. Elle dit quoi? C'est moi qui garde le serpent du pâté. Je dis, garder ça comment? Tu gardes le serpent du pâté. Elle me dit que toi, c'est parce que je ne sais pas. Il y a toujours, à chaque fois qu'on veut te faire un truc, il y a toujours un esprit qui. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Il y a un truc qui bloque. C'est ta petite qui te dit ça. C'est elle qui me dit ça. Je dis. Vous voulez me faire un truc comme elle me dit, qu'est-ce que tu sais que le pâté a bien cherché à te tuer? Parce que depuis, tu ne veux pas coucher avec lui. Et tu manges son argent? Oui. Tu dors dans sa maison? Oui. Quand il vient, vous voyez? Oui. Il entre dans ta chambre? Oui. Mais il ne va même pas te tuer? Oui. Mais toi, tu es quel genre de puissance alors, Mélissa? Hélas. Dis-nous. Oh, mais toi-même, tu es simple. Je ne sais pas. Je sais pas. Parce qu'un homme qui est puissant, qui va au Bénin, qui fait comme ça, qui reste en plein, qui sort, il va même pas te tuer. Et la personne qui garde son totem te dit cela en face. Oui. Et tu n'as pas essayé de poser la question, comment ils ont fait pour te manger, comment ils ont fait pour te tuer? Non, pour me tuer. Oui, pour, oui, comme il a dit que ton père a cherché plusieurs fois à te supprimer, coucher avec toi, etc. Oui, bon, je n'ai pas demandé. C'est vrai qu'à l'instant où elle m'a tu voulais pas faire comme si tu as cherché ça. Oui. Pour ne pas l'empêcher de se faire, pour ne pas le faire fermer. Non, attends un peu. On est là, donc tu veux me dire que tu couches avec le pâté. Elle me dit oui. Je dis, tu veux sortir de là. Elle reste tranquille. Elle me dit, mais ça, c'est un choix que j'ai fait, je ne peux plus. Elle dit qu'elle ne peut plus sortir. Oui. En fait, c'est parce que ton père là, sous doigt, il a dit qu'il n'y a pas de chemin au retour. C'est pour la maintenir à continuer dans cette voie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es devant moi, et on va prier pour toi. Si tu aimes ta petite soeur, oui. Est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu veux l'aider? Je veux l'aider, mais elle-même, elle ne veut pas. Non, il faut, de la même façon comme tu es parvenu à la convaincre, à te dire cela, il faut que tu comprennes effectivement que c'est parce qu'elle a cru que tu connaissais déjà qu'elle a pu te dire. Parce que tu, comme tu connais déjà, elle peut ouvrir. Mm-hmm. Il faut que, c'est parce que ton père a fait comme ça pour qu'elle sache qu'elle n'a plus... Elle n'a pas de choix, elle peut s'en sortir. Mm. Pour qu'elle puisse être là captive. Il faut que tu parviennes à lui faire comprendre que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et juste qu'elle est puissante que tout cela. Mm. Qu'on peut prier pour elle. Que, d'une, par exemple, tu peux partir du fait que tu as remarqué, par exemple, que vous n'avez pas pu me, il n'a pas pu me tuer. Il n'a pas pu faire la pression sur moi. Mm. Pourtant, je suis ici. Mais je n'ai pas de puissance. Je n'ai pas fait quelque chose. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui me protégeait. Il peut te faire la même chose. Il te délivre, il te garde, il te sauve. Et ton père n'a pas de pouvoir sur toi. Amène-la à comprendre cela. Mais je vais te rappeler une chose, quand tu vas remonter sur Yaoundé, ça sera fort sur toi parce qu'il sait que tu as rencontré quelqu'un. Non, lui déjà d'abord, comme le peu de temps que Serge a essayé de... Te parler de Jésus. Oui, uh-huh. Il m'a détesté, il m'a dit que bon, il a fait ton choix, sors de chez moi. Voilà. Donc, il m'a demandé de sortir voilà. De chez lui. Donc maintenant, plus grave encore, comme tu es venu chez moi et que tu as dormi chez moi, il est au courant. Parce que quand tu entres là, oui, parce que hier, quand je suis venue, oui. Comme j'étais fatiguée, oui. Je me suis couchée. Oui. Donc dans mon sommeil, oui. Il m'appelle. Oui. J'ouvre les yeux dans le sommeil. Mélissa, elle était devant moi, je ne répondais pas. Oui. Mélissa, je t'appelle, tu ne réponds pas. Ça veut dire quoi? Tu comptes même sur quoi? Il faut que tu saches que ton petit truc qu'on a fait, c'était là, ça te trompe. Il s'en vient de te tromper, c'est pour ça que j'ouvre les yeux. En fait, ton et père... Et aussi, ça n'a même pas fait 5 minutes. Oui. Il m'a appelé. Il t'a au appelé téléphone. Pour savoir où tu te trouves. Oui. Ça veut dire qu'on a eu les problèmes, tu ne peux pas me demander pardon, je suis ton père, tu veux que je me rabaisse. Hein? Donc, il t'a appelé quand tu étais chez moi ici. Oui. J'ai dit qu'ils sont au courant. Il est au courant parce qu'en réalité, tu surveilles. Il fait ce qu'on appelle la projection astrale. Donc il sort de son corps, il se projette. C'est pour cela que tu avais vu le pentagramme là. Le pentagramme avec le cercle. Quand on entre à l'intérieur, on fait ça soit pour invoquer les esprits qui va venir donner les ordres, soit pour pouvoir entrer là-bas et voyager pour aller quelque part. Il peut quitter ça, aller en Europe, en Inde, partout, passer ce cercle là. Tu saisis ça? Donc il est au courant. Mais il ne peut pas entrer dans cette maison. Il ne peut pas. Mais le problème c'est que je vais te rassurer qu'il sait que tu es en train de me rencontrer. Oui. D'accord, mais il ne peut absolument rien. Oui. Puisque tu es chez lui, sous son toit, il ne peut pas faire quelque chose. À combien de raisons quand tu viens là? Donc, je suis en train de regarder parce que ta soeur est captive et elle souffre beaucoup. Oui. Elle souffre beaucoup parce que ces choses-là marchent même dans son ventre. Oui, parfois, elle a souvent mal au ventre. Voilà. On me dit, c'est un truc qui me fait mal. Ça fait comme si on me tirait les intestins. Voilà. Parfois, elle veut souvent lui dire que c'est ton truc que tu as dans le ventre là. Mais je ferme la bouche, je lui dis, assia. Que c'est son gaout. Prends ça. Et donc, elle n'a tout pris, rien. Mm-hmm. Bon, quand tu vas rentrer sur Yaoundé, mm-hmm. fais tout et tout. Mais même si vous voulez m'appeler, mm-hmm. n'appelez pas avec le téléphone qui vous a acheté. Et le téléphone que j'ai ici, c'est ce qui m'a acheté. Non, ne t'inquiète pas pour l'autre, là, ça va. Comme tu es dans cette maison, s'il n'y a pas de problème, mais il sait que tu es ici. D'accord? Mm-hmm. Il sait que tu es ici. Il fait la projection, il va tomber sur la maison là. Il fait la projection, il va tomber là-bas dehors. Il ne peut pas tenter. Il sort de son corps, il va voir ce qu'il en est. Donc, pour l'autre, ne crains pas. D'accord? Mm-hmm. Mais ce que je t'en avais dit, c'est que si tu veux appeler pour parler avec moi, mm-hmm. ou avec appeler ta petite soeur, parle au téléphone avec moi. N'utilisez pas le téléphone qu'il vous a acheté. Mm-hmm. Et c'est pourquoi il a fait. D'accord? Mm-hmm. Cherchez un autre téléphone, une autre puce privée avec laquelle vous êtes seulement pour me parler. Tu as compris? Mm-hmm. Tu veux que ta petite soeur soit libre? Le serpent qui est à l'intérieur, c'est une dimension de serpent, c'est pas un petit serpent qu'on fait. Donc par conséquent, tous les garçons qui couchent avec ton petit frère, avec ta petite soeur Aurélie, c'est Ornella, oui. Tous les garçons qui couchent avec eux, c'est ce monsieur-là, ton père, qui suce leur vie. Tous, sans exception. Donc il a fait, c'est pour ça qu'il fait tout et tout, pour qu'elle soit comme une vierge. Quand elle l'appelle princesse, C'est au sens spirituel du terme. Quand il vous appelle princesse, parce que princesse, c'est parce qu'il a pris votre virginité et vous allez effectivement comme c'est princesse. Parce que normalement, les princes se marient avec des princesses qui sont vierges. Elle a été offerte sur un autel de sacrifice. Maintenant, je veux que tu rentres. Je ne sais pas si elle t'a raconté, je sais qu'elle te raconte, pour qu'elle te raconte le scénario de la première fois qu'ils ont couché ensemble, exactement sur quoi ils ont couché. Tu me saisis, n'est-ce pas? Essaye, c'est ta camarade. Amène-la seulement à te faire confiance. Depuis là, moi, nous ne sommes plus trois amis. Ne t'inquiète pas, c'est ta soeur, tu ne peux pas faire autrement. D'accord? Tu as deux alternatives. Soit tu la laisses mourir là-dedans. Ou bien tu la sauves là-dedans. Tu peux. Parce que tu connais maintenant son secret. Tu as elle a l'handicap maintenant que tu connais exactement ce qu'il est. C'est qu'elle est. Parce qu'elle a ouvert la bouche pour te dire que le serpent se trouve dans son ventre. Et s'il n'y a pas besoin de discernement pour le faire, ça se trouve là-dedans. Et elle connaît. D'accord? Mm-hmm. Si tu veux qu'on l'aide, fais le signe. S'il arrive qu'elle accepte, vous éteignez les téléphones que vous utilisez. Mm-hmm. Vous gardez quelque part à Yaoundé, vous donnez même à Serge l'arrêt. Mm-hmm. Vous venez avec votre téléphone, vous revenez ici. Et elle fait, si elle veut faire même une semaine, même deux semaines ici, vous faites une semaine, même deux semaines ici, on la délivre de ce serpent-là. Ça dépend de vous maintenant. La maison est ouverte. Si vous venez ici, je vais mettre tous les programmes que je suis en train de faire hors d'état de nuit. Je vais me concentrer sur vous jusqu'à ce que vous soyez libre. Tu as compris? Mmh. Voilà. Si tu veux qu'on aide ta soeur, on va aider là-bas maintenant. Et en prison, il va savoir que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que si ce serpent-là sort de son ventre, il n'aura plus un lieu à donner. Lui va seulement mourir là-bas, soit de crise cardiaque, soit il va seulement avoir le morceau. Continuons maintenant de ton côté. Quand il est sorti de prison, après la conversation de ta soeur, comment la conversation s'est enchaînée? Quand elle a su, donc, quand tu as lu le message, elle a commencé à te parler, elle a dit quoi? Elle est fatiguée. Oui, elle est fatiguée. Elle a commencé à pleurer. Oui. Mmh. On a dit que, mais lui, c'est justement parce que toi, je ne sais pas où on t'a parlé là, de la même façon qu'on m'a parlé, mais je ne sais pas pourquoi toi tu as résisté. Mmh. Mais moi, je veux te dire que tant que tu es ici à la maison, le pasteur va te harceler et tu vas accepter. Oui. Parce que quand il me fait les problèmes, il me dit, je te donne jusqu'à samedi qui est après-demain. Après-demain, nous sommes jeudi aujourd'hui. Oui, samedi. Ok, donc il est sorti de la prison, c'est jours-ci. Oui. Il est venu comme ça à la maison, il t'a dit que tu as jusqu'à samedi. Samedi pour sortir de chez moi. Oui. C'est comme ça que donc, j'appelle Serge, je lui dis que le pasteur m'a dit, oh, il me dit que Mélissa ne le supplie pas. Oui. Laisse-le. Mmh. Parce que si tu supplies, tu seras en pole position. Oui. Laisse-le. Mmh. Viens. Mmh. Je vais t'envoyer quelque part, toi-même tu vas voir, tu vas venir me dire. Mmh. C'est comme ça, donc je suis sortie. Donc avant de partir, il dit aux gens de la maison que Mélissa n'a plus de privilèges ici, elle ne parle à personne, elle n'a plus droit à la nourriture dans cette maison. Il dit ça à qui? Il dit à Ornella, à deux de nos cousins qui vivent aussi là-bas. Là, quand il dit comme ça, on est là de comprendre pourquoi il dit ça, n'est-ce pas? Oui, Ornella a compris, mm-hmm. Mais eux, c'est eux qui n'ont pas compris. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est comme ça, donc quand il part, Ornella me dit que Mélissa, tu es sûr de ce que tu fais? J'ai dit oui, je suis sûr. Pourtant, elle t'a donné le conseil que oui. Garde la position. Mm-hmm. Mais quand il dit que tu es sûr de ce que tu fais, il te dit ça devant son père. Mm-mm. Mais c'est que vous êtes encore deux. Oui, mais le pasteur en haut après de s'apprêter pour rentrer. Mais elle te dit ça à haute voix. Oui, okay. Elle me dit ça, tu es sûr de ce que tu fais? J'ai dit oui, on est là. Donc, je préfère vivre comme ça que de vivre avec tu parles comme ça à haute voix. Avec, oui. Et ton père entendait. Il a entendu. Donc ça veut dire qu'en fait, ta soeur tente de jouer le jeu. Oui. Pour montrer comme si il a pris sa position. Oui. Aide-la, ne la laisse pas. Ne la laisse pas. Donc, d'accord. Mm. Ne la laisse pas. Donc, et là maintenant, Serge dit que quitte la maison, viens, je vais t'envoyer chez quelqu'un. C'est là où il te dit qu'il me contacte. Oui. Il dit que tu viens. Il m'a contacté, il ne m'a même pas proposé qu'elle est qui a un problème. Oui. Je lui ai dit que je lui ai envoyé un message que fais-la venir ici. Mm-hmm. Il t'a dit cela. Oui. Mm-hmm. Et quand il te dit, là, tu ne trouves pas de résistance. Et il a dit que c'est long. Donc, quand il a envoyé le message à mon mari, mm-hmm. Il a dit que qu'il a c'est trop long à expliquer. Quelqu'un, oui. Il dit, mais c'est son histoire est. Ça pèse et c'est long à expliquer. Oui. Donc, je voudrais seulement que tu l'aides. Et mon mari a donc dit fais la venir. Mm-hmm. Et moi aussi, je n'ai pas dit. Bon, il me dit tu vas là, voilà. Je dis ouf. Il me dit tu vas aller chez lui. Il dit et lui, c'est qui est lui? Il me dit non. Donc, tu vas aller voir. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas trouvé de résistance? Non, aucune résistance. Mm-hmm. J'ai dit ok, je vais partir. Mm-hmm. Il me dit que toi, tu vas voir. Tu te souviens, je t'ai dit cela, tu m'as dit que tu veux vraiment changer de vie. De lui poser des questions stratégiques. Oui, tu veux changer de mm-hmm. vie. Tu m'as dit que tu as envie de sortir de cette vie. Peut-être que tu as péché inconsciemment. Mm-hmm. Oui, tu veux changer, je dis oui. Mm-hmm. Il dit que je t'ai même dit que je veux me baptiser. Il me dit oui, mm-hmm. Va donc à Douala. Je t'ai dit que je me suis baptisé à Douala. Mm-hmm. Amen. C'est comme ça, donc j'ai dit ok. Mm-hmm. Je pars, je n'ai pas dit que non, je ne vais pas faire quoi, je ne... Non. Mm-hmm. Je suis aussi venu. Amen. Donc tu es venu. Maintenant, on va d'abord prier pour toi. Tu ne dois pas savoir. Quand on va finir de prier pour toi, après, on va te dire que tu sais que tu avais des problèmes, non? Mm-hmm. On va prier pour toi. quand les choses qui sont sur toi vont quitter, on ira donc te baptiser. Tu n'as pas tu ne veux pas de résistance, non? Non, non, non. Ici, il n'y a pas de serpent. Et si tu es allé à la douche, tu as vu le serpent quelque part? Non, non, non. Tu as bien dormi ici, n'est-ce pas? Oui. Bon, tu as dit que tu vas nous préparer quoi, le légume sauté, c'est ça que tu as comme spécialité. Et là, chez ton père, là, tu préparais? Non, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu prépares, est-ce qu'il mange? Oui, parfois, il disait que bon, aujourd'hui, mais ça, c'est toi qui fais la cuisine, je veux manger. Tu prépares? Tu lui sais à table? Oui. Il mange, il te dit, merci ma princesse. Oui. Mais il te regarde comme ça, il dit qu'il attend toujours manger ma chose là. Donc si je comprends très bien, les gens qui nous écoutent, on sait effectivement, donc il est question de ton père qui veut coucher avec toi pour mettre son serpent aussi dans ton ventre. Mais là, ça va faire deux serpents alors ou bien? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Est-ce qu'il a la possibilité alors de mettre... Ou c'est le même serpent, je ne sais vraiment pas. Ou c'est le même serpent qu'on voulait mettre. Le serpent que tu as vu dans la douche là était avec quelle grosseur? C'était vraiment énorme. Et un énorme serpent sort où dans une maison? Parce que tu dis que c'est un étage, oui. C'est un quartier, c'est un quartier résidentiel quand même. Oui. Comment le serpent est là-bas et que sur toi ça se passe? Parfois, donc à un moment à la maison, c'était parfois comme il y a le sous-sol à la maison. Oui. On jouait partout dans la maison. Tu es caché, on joue à cache-cache. Tu peux te cacher dans le noir, tu ne sais pas que tu es caché. Quand quelqu'un, la personne qui te cherche avec, bien avec la lumière, oui. La personne dit aïe, le serpent, donc c'est là que tu te rends compte que tu es caché derrière le serpent. Le serpent, non, le serpent est enroulé devant toi. Lui, il est couché, il ne te fait rien. Il a fait te coucher. Dans le sous-sol, là où on a construit. Il est là tranquille, il ne te fait rien. Quand tu le sais pas, il ne se dérange même pas, il soulève juste la tête, il remet sa tête. Donc, à un moment lui-même, parfois il nous disait souvent que mon serpent vous connaît déjà vous tous. Ah. Oui. La maison, si tu ne peux pas venir faire la sorcellerie, tu viens pour me faire. Donc là, un serpent qui garde la maison. Oui. Et il connaissait. Donc quand tu viens, c'est un peu comme le chien de la maison. Oui. Quand tu joues à côté de lui, il ne te fait rien. Oui. Donc quand tu viens d'arriver, oui. Il est chez toi, il te rend visite chaque fois pour voir vraiment qui tu es. Oui, oui, oui. Mais il n'est pas violent. Non. Il vient souvent te surveiller. Oui, il te surveille. Tu es couché, il est là-bas. Je me dis que moi, parfois, c'est peut-être parce qu'il me disait qu'il veut coucher avec moi que parfois, je voyais souvent que c'est pas un rodé. Oui. Oui, il ne te fait rien. Il est là. On est là même avec dit ça. Que toi, tu as même peur de quoi? Il ne fait rien. Il est juste couché là. Parce qu'à un moment, la maman de Ornella a voulu revenir. La maman qui était à la maison, oui, avec qui tu avais le problème là. Oui. Oui. C'est, on est la même qui me dit que, est-ce que tu sais que le serpent est parti, a dit à la matière que si tu reviens ici, là, moi je vais te tuer. C'est comme ça que la matière est partie, elle n'est plus jamais revenue. Que le serpent a dit le à la maman. Le serpent a dit ça à sa mère. Uh-huh. Que si tu reviens dans cette maison, je vais te tuer, tu vas mourir. C'est comme ça que la maman de Ornella est partie. Bon, je pose la question. Sachant que cette maman-là, elle a Ornella et deux autres enfants, pourquoi elle a laissé Ornella dans cette maison et partie avec les autres? Parce que le papa lui a dit que si tu prends Ornella, je te tue. Attends, les deux avec qui elle est partie sont les garçons? Les filles. Les filles. Mais Ornella, c'est la première. Waouh. Et tu es la première à ta mère. Ok. Ça se comprend maintenant bien. Non, c'est clair. C'est par conséquent, la maman-là. Et celle-là, c'est la maman de Ornella, tu as son numéro? Non. Depuis là, tu n'as jamais eu d'intercourse avec elle? Non. Je ne veux même pas. Non, non, faites attention. Tu as dit que tu veux changer de vie. Malgré ce qu'elle t'a fait, tu dois lui pardonner. Il y a des choses que c'est l'antagonisme. Vous étiez en position d'argent, tu voulais l'argent, elle luttait sa place. Sa place était menacée. Maintenant, vous êtes dans un même camp de combat maintenant où le serpent te menace, le serpent la menace. Donc maintenant, vous avez un ennemi commun. D'accord? Donc, si c'est possible, prends également son numéro. Fixe rendez-vous avec elle hors de la maison, vous rencontrez, tu parles face à face avec elle. Tu dis que tu sais, tu es au courant de tout ce qui se passe et tu sais que sa fille est dans le truc et tu dis exactement ce que tu lui as dit là, qu'on est là, que tu as raconté. On est là. Alors tu te racontes cela, tu dis que tu es en train de sortir de la solution, tu connais dans laquelle voie est la solution et elle-même elle doit marcher dans cette voie de la solution là. Parce qu'on est là, raconté ça. C'est aussi ça. Non mais on est là, m'a dit un jour que. Sa mère, maman doit être au courant. Sa mère lui a dit que tout ce qui arrive dans sa vie, c'est son père. Dans la vie de qui? De Ornella ou bien de Ornella. De Ornella, c'est son père. Et dans la vie de Ornella, c'est son père. Donc, étant à l'extérieur, comment est-ce que quelque chose arrive dans sa vie? Ça veut dire qu'Ornella lui rend compte? Bon, peut-être quand elle était là, quand ça a commencé, je ne sais pas. Donc elle est au courant. Elle est au courant de elle au courant ce qui se passe. Donc, faites tout de suite la rencontre, d'accord? Faites tout le monde. Même s'il arrive que vous allez à deux avec sa fille pour aller rencontrer ta soeur. Et en plus, c'est ta mère aussi, d'accord? Le but ici, ce n'est pas pour aller. Fais quoi que ce soit, c'est aller pour les aider à sortir de cela. Si Dieu t'a permis que tu sois dans cette maison et que personne ne te touche, ça se trouve que c'est la main de Dieu dans ta vie. Parce que tu n'as pas quoi que ce soit pour te protéger contre eux. Mm-hmm. Les puissances démoniaques qui font quelqu'un qui voyage à l'extérieur de son corps, ce sont des majestés, ce sont des dangers. Mais s'il parvient à venir, il ne parvient pas à coucher avec toi, ni à mettre la personne, même dans le rêve, ça suppose que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Mm-hmm. Il n'y a que sa puissance pour te rester là. Puisque même les décisions même que tu prends de façon ignorante, et tu prends les bonnes décisions sans réfléchir. Malgré seulement les petits vols que tu volais l'argent, n'est-ce pas, parce que... Mélissa. est-ce que tu penses que quand tu entrais dans sa chambre, tu volais là, il ne savait pas. Tu penses que quand tu prends son argent, il ne connaît pas que tu as pris l'argent. Qu'est-ce qui a fait que tu sois poussé à aller pousser sa porte, que mais il a sa porte ouverte. Tu penses que pour rien. Ce sont ces démons qui te suggèrent là que vas-y là-bas. D'accord, Mélissa. Qu'est-ce que tu attends maintenant de moi? Ce que j'attends de toi, premièrement, que tu... Je ne sais pas où j'ai ça en moi. Ne t'inquiète pas, tu sauras. Quand on va prier, tu sauras. Ne t'inquiète pas seulement. Je ne sais pas. Donc, sens-toi à l'aise seulement, d'accord? Ce que je veux d'abord, c'est que si c'est en moi, oui, que ça parte. Ok. Je ne veux plus ça. Donc, ce que tu as dit, c'est que s'il y a une trace de ce mauvais esprit en toi, oui, que ça sorte, tu veux en être délivré. Oui. Ok, ne t'inquiète pas. Oui. Deuxième chose, qu'est-ce que tu attends du Seigneur Jésus-Christ qui t'a toujours protégé? Ce que j'attends. Qu'il continue ce qu'il a toujours fait dans ma vie, me protéger et donc me donner son Saint-Esprit pour que je puisse comprendre la parole de Dieu. Bon, c'est vrai qu'on m'a dit que lis la Bible, je lis ça comme ça, après je vais prier comme ça, mais pour dire vrai, je ne comprends pas. Ok, ça va aller, d'accord. Oui. Maintenant, je vais te dire quelque chose en tant que son serviteur. Remarque que tu as dit que quand tu étais chez ton père, tu as refusé de coucher avec ton père et tu étais vierge, mais tu as porté la grossesse avec quelqu'un. Mm-hmm. Donc ça veut dire que tu vivais dans le péché, dans ce qu'on appelle la fornication. Tu sais ça, n'est-ce pas? Oui. Étant chez un sataniste qui veut te tuer, tu vivais dans le péché. Et jusque-là, ton père n'a pas pu te toucher malgré ce péché-là. Mmh. Ça veut dire que tu avais une grâce particulière que Dieu te veillait sur toi. Parce que tu es dans l'ignorance. Mmh. Maintenant que tu es en train de entrer dans la pleine connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ça suppose donc que ta vie doit être exempte du péché, cette souillure de la chair. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je ne me comprends pas, je dis ça autrement. Mmh. Je vais dire que la façon dont on entreprend maintenant, dont tu veux entreprendre maintenant pour marcher avec le Seigneur, mmh, ça suppose que tu dois arrêter la fornication. Parce que le péché sexuel, c'est ce qui fait entrer particulièrement les démons dans la vie des gens. Tu sais que ta chair aussi ne te laisse pas trop. Tu ris seulement maintenant. Hein. Parce qu'il faut que tu saches de quoi il est question. Mmh. Il peut arriver par exemple que, parce que le but ultime de ton père, c'est coucher avec toi pour pouvoir mettre son serpent. Mmh. Il peut ne pas réussir dans ces voies-là, mais il parvient à te toucher avec un autre esprit parce que tu es dans le péché. Tu as jamais saisi là? Mmh. Parce que le but ultime, c'est il faut qu'il couche avec toi pour commettre là, c'est l'acte suprême là-bas qu'il veut de toi. Mmh. Mais il peut te toucher, il peut envoyer les démons te toucher, te suivre des choses. La preuve, tu es là, malgré que tu sois protégé, il te pousse à aller voler. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Mmh. À prendre son argent à manger. Et tout l'argent que tu manges, c'est l'argent du serpent. C'est le serpent qui vomit l'argent qu'il mange, que vous mangez. Tu as eu le contact avec le serpent, tu l'as regardé, donc il a envoyé des ondes dans tes yeux. Tu comprends ce que ça nous dit? Ce que je vais dire clairement, c'est ceci. C'est que il ne faut plus que tu vives dans un péché, dans le péché qui va leur donner le droit de te toucher d'une façon ou d'une autre, quand tu vas être délivré. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu mesures bien le prix avant qu'on avance. Donc ça veut dire que si on prie pour toi, on te délivre maintenant. Ça veut dire que tu vas devoir arrêter avec la fornication. Ça veut dire que si quelqu'un va te toucher encore, toucher même ton bras là, il va falloir que ce soit ton mari. Et comment tu fais les yeux comme ça? Hein? Oui, c'est que tu n'es pas de mari, tu n'as pas de mari. Mais si tu n'as pas de mari, ça se trouve que tu n'as pas le droit au rapport sexuel. On est d'accord, n'est-ce pas? Mm-hmm. Mais tu es déjà grande, tu peux supporter, non? Oui. Tu dis oui, maintenant tu fermes la bouche comme ça là. Réfléchis, suis bien ce que je me dis. Voici la Bible au devant de nous. Permets-moi de lire ici 1 Corinthiens chapitre 6 pour que tu saches ce que ça nous dit. 1 Corinthiens chapitre 6. Suis attentivement. Hein. Mm-hmm. Je vais lire à partir du verset 9. Voici chapitre 1 Corinthiens chapitre 6. Comme tu as dit qu'on lit, tu ne comprends pas là. Tu vas lire maintenant. Regarde, suis. Ne savez-vous pas que. Regarde bien. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Tu connais ce qu'on appelle l'impudicité, non? Mm. Voilà. Tu es maintenant comme ça là. Ni les idolâtres, ni les adultères. Donc si tu couches avec le mari de quelqu'un, mm-hmm, tu vois ce que ça veut dire? Oui. Uh-huh. Ni les efféminés, ni les infâmes, dont les homosexuels. Il dit, ni les voleurs. Je sais, tu connais quelqu'un qui volait l'argent. Hein? La personne est devant. Ni les voleurs, ni les cupides. Tu as vu la cupidité? Les gens qui aiment trop l'argent, les gens qui aiment le matériel. Oui. Tu as vu ça? Oui. Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc tu vois que si tu commets de telles choses comme ça, tu ne peux pas dire que tu es enfant du Seigneur. Donc tu ne peux pas entrer là-dedans. D'accord? Oui. Maintenant, il dit ici, ne savez-vous pas que... Oh, l'avion la passe. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc ton corps est le membre de Christ. Sont des membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Tu as vu ça? Attends, tu es belle comme ça, tu es brune comme ça. Tu veux prendre ces corps-là pour aller faire la prostitution? C'est normal. Je sais que et c'est le but de Satan là-bas. Quand Satan entre dans une vie comme cela, quand il prend en possession une vie, il les met dans un standard, et c'est ce que votre père voulait vous faire. Vous met dans un standard de vie, un rythme de vie avec de l'argent, l'opulence et autres, de telle sorte que quand tu vas vouloir, tu vas penser quitter cela, ça va vous manquer. C'est pour cela qu'il demande le grade de, en termes d'argent à Ornella pour que elle se sente. Quand elle sort avec une semaine, elle dépense 150 000, 200 000, sachant que l'autre semaine, il y aura de l'argent. Et elle ne peut pas venir supporter manger la banane comme tu as mangé la banane là. Tu vois un peu cela. Parce qu'elle ne mange pas les pizzas, elle pas à Dove là-bas, à JC là-bas, c'est là-bas que vous partiez, à Bastos. Black and white. Tu prends un peu le whisky, elle met là-bas, elle boit. Elle soulève la pile, le pied, met sur la terre, elle se lève, elle tremise encore un peu le corps, les balises. Tu vois ces villes là. En faisant ça, vous livrez dans la dissolution. Vous entrez dans la prostitution, ça vous en rend compte. Vous pouvez regarder un homme, il vous plaît, c'est vous qui payez l'argent pour l'homme. N'est-ce pas, Mélissa? Ok. Maintenant, tu crois, avec petite voix. Il dit, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, loin de là, ça dit jamais. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviennent une seule chair. Donc, toute personne qui a été couchée avec ta petite soeur est en train de porter comme ça la malédiction, ça rend compte. Tout. Tu vois ça, hein? Après, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Veux-tu t'attacher au Seigneur Jésus-Christ? Si tu t'attaches avec lui, il n'y a pas de Dieu, tu ne peux pas t'attacher avec le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en attachant ton corps à la prostitution. Donc, il faut que l'un soit coupé. Soit tu t'attaches à la prostitution, tu laisses le Seigneur Jésus-Christ tranquille. Dans ce cas, tu es vulnérable. Soit tu t'attaches maintenant au Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que tu dois entrer pleinement, corps, âme et esprit en Jésus-Christ. Et là, tu vas quitter la voie de la prostitution. Même si c'est n'importe qui veut te dire que, hey, Mélissa, je vais te toucher, tu dis non. Maintenant, je connais la vérité. D'accord? Oui. Et maintenant, puis il dit ici, mais, non, j'ai la lu cela, verset 18. Fuyez l'impudicité. On a dit qu'on fasse comment? Fuyez. Tu as vu ce qu'on a dit, non? Oui. Dans l'autre version, on dit que fuyez l'immoralité sexuelle. L'autre version utilise l'immoralité sexuelle. L'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. L'autre version encore utilise la fornication. Il dit, fuyez la fornication. Tu entends? Il dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Comme par exemple, tu allais voler l'argent, c'est hors du corps. Mais quand tu pêches avec le péché, l'impudicité, parce que tu échanges de l'énergie avec quelqu'un, c'est pour ça que ton père veut déposer sa semence en toi. Mais c'est une malédiction seulement. Je vais te montrer cela à l'intérieur. Dans la Bible, pourquoi on ne doit pas faire cela? D'accord? Ici, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Veux-tu vivre ainsi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Donc ton corps ne t'appartient plus. Si tu veux venir à Christ, sache que ton corps ne doit pas t'appartenir. Comme tu as dit tout à l'heure là, que tu veux qu'il te donne son Saint-Esprit. Il faut que ce Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et par conséquent, ton corps ne doit plus t'appartenir. Donc tu ne dois pas faire ces choses-là avec ton corps. Maintenant ici, dit verset 20, car vous avez été racheté. Non, je crois que c'est sauté. Ici, dit, vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc même ton corps ne t'appartient pas à toi. Donc tu n'as pas le droit sur ton corps. Comme tu as gravé le papillon partout sur ça là. Maintenant, verset 20 dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc ça veut dire ton corps et ton esprit doivent être utilisés pour la gloire, pour la gloire de Dieu. On va lire Lévitique. Je vais lire Lévitique maintenant. Il dit, je suis directement tombé dans Lévitique chapitre 18. J'ai lu le verset 19, tu suis. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu as vu? Donc c'est la sorcellerie, c'est pour ça que ton père connaît cela. Que quand tu fais les quand tu saignes, tu donnes le sang. Regarde bien. Tu as vu? Le menstrué. Et tout ce que Dieu interdit, c'est ce que les satanistes utilisent pour la puissance. L'homosexualité, tu entends quelqu'un dire, pour peut aller chercher le travail, il faut qu'on ne couche pas derrière. Pourquoi il est homosexuel? Tu as entendu ces choses-là quand tu étais avec eux, n'est-ce pas? Et quoi que tu vas nous raconter aussi si tu veux. Bon, je lis à partir du verset Lévitique chapitre 18, verset 5 à suivant. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu as vu? Suis. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père. Tu as entendu? Je crois qu'il va falloir que tu rentres ici avec que ta petite soeur puisse lire cela. Tu rentres doucement, tu dis à ta petite soeur que lis, prends la Bible, tu lis le verset 18. Tu lis qu'elle lit doucement. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Donc, quelqu'un qui est marié, peut-être que si ton père avait un fils et que la femme qui est à la maison, elle ne doit pas aller coucher avec elle. C'est ta, la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta soeur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou hors de la maison. C'est la Bible ça, non? Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta soeur. Tu vois l'inceste dans la famille et autres là. Vous avez connu ça? Non, c'est vrai que dans notre famille. Dans votre famille, dans la famille maternelle plutôt éloignée. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ton père. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la soeur de ta mère. Car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu entends? Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Donc, on entend ça de ça, un être à un homme ici. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. Donc, comme je suis comme ça, si j'ai un frère et que ça, elle a une femme, je ne peux pas aller m'approcher de sa femme. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu peux commenter ça? Tu comprends ce que ça dit ici? Vas-y, moi je comprends pas trop. Il dit, ok, bon, le mot découvrir sa nudité, je vais dire ça autrement. Tu ne coucheras point avec une femme et aussi avec sa fille. Tu as bien compris? Comme exemple, comme quoi? Donc, si tu sors avec une femme et qu'elle a une fille, tu couches avec les deux. Tu ne dois pas faire ça. Et puis encore, si c'est ta propre femme, tu couches avec ta femme a un enfant, tu peux encore coucher avec cet enfant-là. Ton père a couché avec ta mère pour t'avoir. Maintenant, il veut coucher aussi avec toi. Ton père a couché à la maman de Aurélie. Mais c'est quand même curieux cette histoire de Aurélie. Ton père a couché avec la maman de Ornella. Maintenant, il a fini de coucher. Ornella sort. Mais c'est quand même curieux. Donc, ça dit qu'il a vu Ornella grandir. Donner le tété à l'enfant. Grandir dans sa maison. Il l'a envoyé à l'école. Elle grandit. Il veut coucher avec un enfant. N'est-ce pas la malédiction? Tu penses que cette personne a un cœur? Un cœur juste que Dieu a donné. Tu ne prendras point la fille de ton fils, de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. D'accord? Voilà ce que Dieu vient de le dire. Maintenant ici, il dit ici, verset 18, vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mois et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Ça s'est déjà passé, d'accord. Tu as déjà fait, donc on ne peut pas rien faire. Tu vas se demander pardon à Dieu, n'est-ce pas? Parce que même pour Saint Joseph, ça ne le laisse pas. N'est-ce pas? Bon. Maintenant, je lis le dernier ici. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits. Donc, la malédiction encore vous attend si vous allez plutôt vers du côté du marabout. Il dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Dieu a dit que c'est moi, c'est vers moi que vous devez venir. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, ou bien on est là, le problème, elle court, elle part chez le marabout. Quand le marabout va avoir la puissance, en fait, si la, le serpent qui est à l'intérieur est plus puissant que le marabout tente et va mourir. Même si elle va chez un pasteur, le pasteur dit, ah, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, et qui met la main sur lui, sans que ce soit l'autorité de Dieu qui est sur lui, il va confirmer. Parce que le serpent là est puissant. Je lis Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Regarde. Lorsque tu seras entré dans le pays, Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Tu as vu ça? D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Tu as vu ça? Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement, tu as vu le mot, tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Donc il n'y a pas de demi-mesure. Tu dois être entièrement à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que tu partages une partie avec lui, une partie avec eux. Il dit verset 14, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Tu entends ça? Dieu veut quelque chose, Dieu veut qu'on lui soit totalement soumis. Alors tu vois donc que Jean de Lille, Dieu a parlé aux Juifs depuis longtemps avant que Jésus ne vienne, au temps de Moïse, pour montrer que les actes que ton père a en train de faire n'ont pas commencé aujourd'hui. Les gens que nous voyons dans les grosses voitures, effectivement, comme tu as dit, ton père t'a même dit, il dit quand vous entrez dans les grosses voitures, qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'est-ce que tu as dit qu'il a dit là? Tu ris maintenant. Si on dit maintenant que va, on rentre dans la maison, ta tête va chauffer. Tu as dit que ton père a dit quand vous entrez dans la grosse voiture haute là-bas, il a dit que vous faites rapidement encore de la France. Ah, Mélissa, tu c'est quoi? Mélissa, courage, ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, il a toujours été avec toi. Mère de Mel. Mélissa, viens masser ta soeur. Viens masser ta soeur. Oh, bon, Mélissa, un peu pleurer. Ne pleure pas. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime, d'accord? Mais... Lève-la, tu te tiens, embrasse. Embrasse-la. Ça va. Nous t'aimons, d'accord? Courage. Ça va aller. Ouais. Courage, ça courage, Mélissa. Courage, ça va aller. Courage, tu as des ennuis, famille. Le Seigneur Jésus-Christ va te libérer, d'accord? Ne crains pas. Et souviens-toi que c'est ta maison ici. Tu peux rester ici autant que tu voudras, d'accord? D'accord, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Donc tu vois, avec le recul, tu vois dans le luxe dans lequel tu te trouves, c'était ton âme qui était en jeu, n'est-ce pas? Maintenant, tu es une grande fille. Si tu, même si tu n'es pas là maintenant, elle ne peut pas te retrouver là où tu te trouves. N'est-ce pas? On va prier pour toi, ça va changer. Mais ce n'est c'est le début d'un grand parcours et d'une vie excitante devant le Seigneur, avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Tu es au courant de ça. Là, tu dois savoir cela, n'est-ce pas? Parce qu'il t'a gardé. Et tu sais aussi que nous t'aimons aussi, n'est-ce pas? Mel. Tu aimerais qu'il fasse venir Serge Zadma là. Voilà. Tu lui dis donc, toi-même, tu lui envoies le message. Tu dis qu'il faut que lui descende. Parce que lui aussi, il a des problèmes par rapport à son voyage. Il faut qu'il vienne, on en profite, on en parle. C'est ça, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on mette des points au-dessus les points sous les i. On peut s'arrêter ici maintenant pour cette partie de conversation. Donc, en clair, ton père veut coucher avec toi pour mettre le serpent dans ton ventre. Un papa qui aime son enfant ferait quelque chose. Maintenant, tous les jeunes filles dans le monde entier qui sont en train de suivre ce témoignage et qui... passe par les prenons celles qui sont dans les sectes et ne peuvent pas sortir, celles qui ont le serpent dans le ventre comme ça et puis ne savent pas comment sortir, qu'est-ce que tu peux leur indiquer, qu'est-ce qu'elles peuvent faire selon toi, quel conseil peux-tu leur donner? Pour moi, déjà, d'abord, il faut que peut-être que quelqu'un les amène, que quelqu'un les explique que Dieu existe, donc que Dieu est là pour eux. Que si tu veux vraiment sortir de ce chemin-là, oui, Dieu va t'aider à sortir de là. Donc, si la personne décide de sortir, qu'elle cherche du côté de Dieu. Oui, du côté de Dieu. Il suffit juste que toi-même, tu aies d'abord ta propre volonté que non, je veux sortir de là. Si tu n'as pas, je ne crois pas que tu puisses vraiment sortir. Et pour celles qui, malgré qu'elles savent qu'elles ne le savent pas, malgré il y a des gens, des filles qui sont lesbiennes, des filles qui sont homosexuelles, des hommes qui sont homosexuels, et elles ont de l'argent, elles donnent de l'argent. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Je vais dire, certaines personnes qui disent que l'argent fait le bonheur, mais je ne crois pas que... tu fais tout ça, ton âme, tu te dis que quand tu vas mourir, ton âme va vivre, ton âme va aller où? Certains disent que l'enfer et le paradis, c'est sur la terre ici. Donc tout se paye ici. Donc tu vis ton enfer ici, tu vis ton paradis ici. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Moi, je sais que c'est faux. Donc, un homo, c'est ceux qui allaient nous écouter. Une lesbienne qui allait nous écouter et que... elles vivent bien parce que généralement, elles ont de l'argent. Oui. On leur donne bien de l'argent. À Yaoundé, tu en connais. Elles ont de l'argent, mais... et les homosexuels, et tu sais que dans la Bible, on interdit clairement cela. On interdit, oui. Alors maintenant, celle qui vit comme ça, quel conseil peux-tu leur donner? C'est vrai que je peux donner un conseil à quelqu'un, mais personne ne va m'écouter. Mais tout ce que moi je peux leur conseiller, c'est de sortir de là et d'accepter Jésus dans leur vie. Amen. Voilà. Donc tu vas te reposer, d'accord? Voilà malheureusement, pour tout ce qui m'écoutait, voilà malheureusement. Le scénario qui se passe dans le monde, beaucoup de personnes passent leur vie sans poser la question sur l'état de leur âme, ni poser la question de là où ils vont partir. Et Dieu donc permet que les gens comme Mélissa comme ça en soient délivrés pour donner témoignage que Jésus-Christ est vivant. Amen. Qu'il est encore le même hier, aujourd'hui pour toujours. Maintenant, ceux qui nous écoutent et qu'ils sont dans cette situation-là, Jésus-Christ est la solution. Amen. Que chacun fasse attention et pose des questions, et particulièrement les jeunes filles qui couchent avec les hommes dehors, couchent avec les fils des hommes riches, sortent avec les hommes riches et vont dans les ventes et au là-bas. Déjà, avant que je me tourne du côté de Mélissa, quand vous sortiez pour aller jouer la vie comme ça avec Ornella, elle a des petits amis que tu connais et qui couchent jamais ensemble. Et elle te dit souvent comment ils couchent ensemble. Non. Elle ne dit pas. Non. Mais est-ce qu'elle est consciente de ce qu'elle fait à ce garçon-là? Il y a un dernièrement qui m'a dit que depuis qu'il connaît, Ornella. Rien ne va dans sa vie. Voilà. Donc, voilà donc les enfants qui mangent et couchent avec les jeunes filles n'importe comment, les jeunes filles faciles, peut-être qu'ils donnent de l'argent et autres là-bas. On ne sait pas ce que le père a fait à sa fille. On ne sait pas qui a fait quoi dans la vie des filles. Amis, avis aux jeunes personnes qui couchent avec les gens de part et d'autre. Couchent avec les gens de part et d'autre sans savoir. Et la Bible avertit, chaque fois quand Dieu va avertir que éviter la fornication, fuir la fornication, il sait pourquoi il dit cela. Parce que c'est l'arme fatale pour maintenir les gens dans la captivité. C'est pour ça que quand les gens entrent dans les jeux sexuels, c'est difficile de sortir. Quand les gens entrent dans la pornographie, c'est difficile de sortir. Quand les gens entrent dans la masturbation, c'est difficile de s'en délivrer. Quand les gens voient les gens commencent à... Même les grandes personnalités se masturbent. Femmes, comme on voit les militaires qui sont dans le bureau, s'enferment, mais se masturbent. Les grands colonels, les généraux qui se masturbent. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il en est? Parce que le démon s'en fout de son grade. Le démon veut tout simplement. Il n'y a aucun démon qui aime un être humain. Pas même Satan. Il veut notre destruction. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient en abondance. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ donne la vie, Satan donne la destruction. Donc, chaque être humain maintenant se donne maintenant de faire son choix. Soit tu choisis maintenant à manger l'argent, sachant que quand tu vas mourir, tu vas aller du côté de Satan et Satan t'aura trompé. Soit tu suis Jésus et rester dans les difficultés en attendant que Dieu donne une éventuelle ouverture pour toi-même, c'est-à-dire attendant le temps de Dieu. Mélissa, merci. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Sois tranquille, reste en repos. Autant que tu voudras, on va prier pour toi, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Table. Embrassez-vous là. Wow.